Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Nous sommes ici réunis pour l'émission de février 2025. Bonne année à tous. Avant de commencer l'émission à proprement parler, je vais présenter les membres qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vais commencer par Ludwig. Ludwig, comment ça va ? Écoute, ça va, oui, très bien. Ça va hitlèrement bien, je dirais même. Puis bonsoir à tous nos éditeurs. Bonsoir à Rex aussi. Je sens qu'on va bien itérer ce soir. Deux Hitler, ça fait même pas une minute d'émission, c'est ça qu'on aime. C'est pour ça que je continue avec vous. On va changer d'un hitlérien à un autre. Je présente Rex. Rex, comment ça va ? Tous présents sous le signe d'Hitler, évidemment. Donc, Ave Bobby, Ave Ludwig, Ave à nos auditeurs. Et puis, oui, nous allons nous amuser un petit peu. Et j'en profite pour préciser d'emblée qu'il est possible que le camarade Longinus nous rejoigne en cours de route. Bon, il a des enfants à gérer, on lui pardonne. Et on va commencer directement par le cœur de l'émission. Allons-y. Je fais une petite annonce avant de commencer l'émission proprement parler. On vous a parlé lors de l'émission précédente de Catholiques sans concession. Donc, en fait, c'était une revue, c'est toujours une revue, qui présente la foi catholique et qui la défend. Et c'est aussi devenu maintenant un site internet. Donc, on vous mettra le lien dans la description. Et ils ont aussi même d'ailleurs un canal Telegram. Et on mettra aussi les liens dans la description. Et le numéro 5 de cette revue Catholique sans concession vient de sortir. Donc pareil, on vous mettra toutes les infos qui vont bien. Et j'en profite aussi pour faire les annonces aussi que vous connaissez, mais bon, je suis obligé de les faire. Donc je rappelle que nous sommes présents aussi sur Gab et sur Odyssée à l'adresse Oremus officielle. Et même, il y a un canal Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle, où vous pouvez retrouver nos publications. Merci de nous suivre, de faire des partages. J'annonce d'ailleurs qu'on avait lancé un appel pour que les entretiens de Joseph Merel soient partagés en masse, si possible, sur YouTube. Et ça a été fait, ça a été très bien fait, et ça a bien marché. Donc, continuez, hein, vous savez, on lance un appel, l'appel est pris, nous, ça nous fait plaisir. Et ça nous booste pour vous donner de plus en plus de contenu, de plus en plus souvent. Donc, merci aux camarades, au pluriel, je pense, qui ont joué le jeu. Merci à vous. Ce n'est pas dans mes habitudes de commencer par des nouvelles un peu tristes, mais l'actualité nous impose de commencer par là. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas, à l'heure où on enregistre l'émission, on a appris de très mauvaises nouvelles concernant Monseigneur Williamson, qui apparemment aurait été victime d'une hémorragie cérébrale très sérieuse. Il est hospitalisé, et on peut dire il est à l'heure où on enregistre cette émission, il est mourant. Donc, des nouvelles très inquiétantes. Vous partagez l'information, vous appelez bien sûr à prier pour lui, pour une guérison et pour le salut de son âme, si jamais les choses se passent mal. Malheureusement, ça m'ennuie de le préciser, mais il est probable que son état ne puisse pas s'améliorer d'après ce qu'on a entendu. Donc, on ne sait pas trop, on ne sommes pas médecins, mais ça a l'air assez inquiétant. Et on pouvait déjà peut-être un peu parler de ça, parce que c'est quand même un évêque majeur dans l'histoire de la tradition, surtout chez les francophones. Prions pour son âme et enfin, qu'il puisse partir doucement, sans trop de souffrance. Surtout que d'ici le montage et la sortie de l'émission, normalement, il y a des chances qu'il soit passé de l'autre côté. Donc, c'est une grande perte. Et puis, il y a deux choses. C'est parmi les évêques du monde du Tradistan, c'était le plus politisé et le plus proche de nous, hein, sur tous les sujets, racisme, antisémitisme, antiféminisme, antifemme, etc. Et il collectionnait tout. Hein. À ce niveau-là, il était vraiment le plus éclairé en termes politiques voilà, dans ce 21e siècle bien dégénéré. Et en plus, ce qu'il y a de fort triste, donc, c'est que bon, il a commencé son combat autour de Monseigneur Lefebvre et qu'à la Fraternité Saint-Pie-X, bon, certains prêtres peuvent le mentionner en privé, mais jamais en public, et donc il n'y a pas vraiment d'appel à la prière à cette échelle à cause du conflit, on va dire, structurel qu'il y a eu entre les deux, entre résistance, non-résistance, etc. Bon. Donc un héritage qui se perd, on passe à autre chose, et c'est pas le seul à être parti de... Il y a toute une génération qui part en ce moment. Oui, effectivement, et puis tu dis bien, ouais, je trouve que c'est quand même un des rares évêques qui a le courage d'aborder des sujets qui peuvent peut-être être un peu tabous dans ces milieux religieux, notamment la question raciale. Il y a notamment une fois où il dit sans broncher, sans honte, que le métissage, c'est quelque chose qui va contre le bon sens, que ça, c'est pas forcément un péché en soi, mais que ça va contre le bon sens et que les blancs devraient se marier entre blancs, et que les noirs entre les noirs, etc. Donc, oui, effectivement. Ah oui, il a mouillé le maillot, hein. Même sur la question révisionniste, rien n'empêchait de se taire, en tout cas, de faire un petit tour de passe-passe pour éviter de répondre à la question. Maintenant, il s'est mouillé, et puis, bien comme il faut, il n'a pas eu peur. Donc, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont comme ça du courage, ça a donné quand même un bon exemple. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed in gas chambers. So there was no gas chambers. I believe there were no gas chambers. Je sais que j'ai déjà eu dans les commentaires, ça énerve un peu certains lorsque je suis un peu celui qui défend la fraternité Saint-Pie-X souvent parce que c'est ma chapelle. Mais là, par contre, ils auraient pu faire un petit communiqué, un petit mot pour appeler à prier pour Monseigneur William Sam. Je trouve que c'est vraiment regrettable. Je trouve que c'est pas défendable. C'est un peu ce qu'on reproche généralement à la frate, c'est ça, cet esprit un peu sectaire. Là, on le voit carrément. Quoi. Non, il est plus à la frate. On ne fait pas un petit communiqué. Je pense que c'était la moindre des choses. Ça n'a pas été fait. Je trouve que c'est un peu petit. Hein. Oui, j'ai l'impression aussi, dans les milieux cédévacantistes, il y a aussi un peu cet esprit sectaire. Et on n'en parle pas autant qu'on le pense, j'ai l'impression. Oui, pas pour des raisons politiques, évidemment. En général, ces vacantistes ne sont plus trop à sa près, donc ils ne sont pas trop dérangés par ça. Enfin, ils sont rarement super nazis non plus, hein. Mais ouais, c'est pour des raisons un peu théologiques, quoi, de constat de la vacance, etc., ça, surtout. Par contre, il y a un point commun, c'est que des deux côtés, là, c'est l'armée mexicaine, il y a un peu plus d'évêques que de prêtres. Il me semble que Mgr Williamson en avait environ 60, des prêtres, et des évêques, presque une dizaine. Donc c'est un sacré ratio, l'air de rien. Et en comparaison de la frate Saint-Pie-X, deux évêques et encore, voilà, c'est pareil, ils sont assez âgés. Et 700 prêtres environ. Les ralliés sont à mi-chemin, eux, mais bon, ils utilisent des nouveaux rites. Il y a l'évêque Bergoglio qui passe par là, etc. Chez les CDVAC, c'est assez peu structuré, à part la CMRI, et eux, ils ont presque une centaine de prêtres. C'est plus 80-90. Et c'est le monde américain des deux rives. Donc, bon, il y a un peu de latino, mais c'est pas mal américain, nord-américain. Donc voilà, ouais, c'est un peu un état des lieux, mais politiquement, Williamson, ça y allait, quoi. C'est I feel it's true, 6 millions, etc. Bon, c'est ouais. Une grosse perte. Ah, voilà, c'était pas un sujet en soi, on voulait absolument mentionner l'information parce que c'est quand même c'est hyper important, hein, quand même. C'est quand même un ponte de la tradition francophone. Et on va commencer par le premier sujet qui est vraiment majeur et qui est toujours une mauvaise nouvelle. Je voulais le faire en premier, comme ça au moins c'est réglé, enfin les mauvaises nouvelles. Bon, c'est le décès de Jean-Marie Le Pen. On voulait en parler, non pas spécialement sur un sujet que politique, comme ça a été fait un peu partout à droite à gauche, et je pense que ça va être un sujet qui va être assez intéressant parce que nous, on va vous parler un peu de religion par rapport à Jean-Marie Le Pen. de politique aussi, bien sûr, parce que c'est vraiment l'essentiel de son œuvre, mais peut-être des choses que vous n'avez pas entendues ailleurs, parce que si c'est uniquement politique, bah, y a déjà eu 500 podcasts qui en ont parlé, donc nous, on va parler de choses un peu plus confidentielles. J'espère qu'on va pouvoir vous apprendre quelques petits trucs sur la vie de Jean-Marie Le Pen, disparition regrettable, bon, disparition regrettable, mais là, par contre, c'était quand même couru d'avance, parce que il était vraiment très très âgé, il était vraiment très très diminué, surtout ces derniers temps. Donc ça n'était pas spécialement une surprise. Jean-Marie Le Pen qui est parti saintement, on peut le dire, puisqu'on a l'information selon laquelle le Parisien, d'ailleurs qu'on mettra le lien en description, le Parisien a fait un petit article pour préciser que Jean-Marie Le Pen était parti en recevant l'extrême onction, qui était donnée par un prêtre traditionnaliste, c'est comme ça qu'il titre, qu'on connaît très bien, hein, c'est l'abbé Philippe Laguéry, qu'on apprécie particulièrement pour son... Il parle bien, disons qu'il parle très bien en public. C'est quelqu'un qui connaissait très bien Jean-Marie Le Pen depuis des années. C'est un ami, d'ailleurs c'était lui qui avait marié Jean-Marie Le Pen récemment. Très vraisemblablement, on peut dire, Jean-Marie Le Pen est au ciel. Ah ça oui, on peut dire ça. Ben, paix à son âme, franchement, là, on peut vraiment dire qu'avec la mort du menhir, c'est vraiment une page qui se tourne. Toute une génération de militantisme nationaliste qui se clôture, on va dire. Même si on peut peut-être lui reprocher certaines choses, certaines tactiques politiques qu'il a faites durant toute sa carrière politique, mais on peut pas lui enlever certaines qualités nombreuses. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, en effet, même sous un angle religieux, comme l'a dit Bobby, d'autres émissions en ont parlé, et puis vous avez un numéro collector qui est sans doute à connaître, puisque Rivarol, dans le numéro du 15 janvier, donc il va falloir remonter de quelques semaines, mais je pense que ça doit être trouvable, peut-être même en kiosque, si l'on cherche bien, même un peu après coup. Puisque là il y a vraiment un spécial où chaque plume il fait son retour, donc peut-être davantage plus politique, mais là au moins vous avez un portrait. Voilà, je pense que ce numéro finira par être collector, donc c'est quand même à posséder et s'en nourrir un petit peu, parce que voilà, c'est là aussi une grosse page qui se tourne. Elle est peut-être positive dans le numéro de Rivarol à 90%. Il y a des critiques, et des critiques d'ailleurs sont certainement raisonnées, plutôt juste et tout ça. Donc là, oui, on part un peu de la mort de Jean-Marie Le Pen et de l'assistance de l'abbé Philippe Laguéry, donc qui a une bonne verve. C'est pour ça que à la télévision, il a pu être un peu invité sur des chaînes un peu du C8 ou des choses un peu parallèles. Là, Cato TV, je pense pas quand même, c'est trop conciliaire, mais il a déjà débattu face à l'abbé de la Morandée ou des dégénérés modernistes comme ça. Et... Ouais, d'ailleurs, l'abbé avait parlé de sa famille avec son papa qui était mort dans une chambre à gaz magique, un truc comme ça. Puisque vous êtes héritier complètement de la fonction du pape, que pensez-vous de ce qu'il vient de déclarer aux États-Unis à propos du racisme? Et puis, soyons français, trouvez-vous que M. Le Pen a raison lorsqu'il dit que les chambres à gaz des camps hitlériens sont un point de détail? J'attends une réponse très précise sur cette question. Quel est le rapport entre le pape, les chambres à gaz, Le Pen? Le racisme. Vous avez une manière de discuter qui est absolument époustouflante. Le racisme. Vous savez ce que c'est? Vous avez une manière de discuter absolument époustouflante. Je veux bien aborder ces questions, mais je souligne clair, au passage répondez. Le manque de cohérence intellectuelle non, qui est le du vôtre. Tout. Le racisme. C'est affligeant. Le pape condamne le racisme. C'est avec des raisonnements comme ça, à deux facettes, gauche, droite, etc. Monsieur Laguéry, vous voulez vous répondre à la question du point de détail de Monsieur Le Pen? Ne fuyez pas le débat. Je ne crains pas. Il y aura j'aime bien. Si vous bien ne craignez pas, répondez tout de suite. Suivre une idée. Mais qui je soit la cohérente. Suis. Le pape Or, je n'ai pas condamne du tout le racisme. Le pape, premièrement. Deuxièmement, aux États-Unis, condamne le racisme. Troisièmement, les chambres à gaz, le produit du racisme. C'est pas clair? Tous les Français qui nous écoutent auront compris cela. Ne fuyez pas et répondez. Approuvez-vous Monsieur Le Pen lorsqu'il dit que les chambres à gaz sont un point de détail? Et si vous le recevez en confession, que lui direz-vous? Les chambres à gaz. Les chambres à gaz, c'est un fait historique, sans doute. Ne souriez pas sur les chambres à gaz. Mon père est mort dans une chambre à gaz. Je voudrais le rappeler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, mais je vous vois sourire. Je ne peux pas badiner sur un sujet je comme cela. Je ne souris pas. Mon père a fait passer des juifs Est-ce à la frontière. Il est mort de cette façon. Ou direct, il met un poids Godwin direct au milieu du débat, quoi. Il a dit non, ne riez pas. Et puis il a rigolé quand même. faut commencer par excellent. Le commencement. Hein. Au commencement était la chambre à bicyclette tout terrain. Donc ouais, l'abbé Laguéry, voilà, il a des cours de catéchisme intéressants et des choses comme ça. Lui, il est né en 52, je crois qu'il est toujours en vie, donc ça lui fait plus de 70 ans. Et bon, en même temps, vous me direz, il a donné les derniers sacrements à Jean-Marie Le Pen. Et c'est donc Monseigneur Lefebvre qui l'a ordonné, ce qui fait qu'il est un peu issu de la lignée lefebvriste. Il a été ordonné en été 79. Et par contre, il a opéré une rupture, après la mort de Monseigneur Lefebvre d'ailleurs, en raison de désaccords, mais un peu plus ralliementiste. Alors, ça n'a pas été un ralliement autant que la Fraternité Saint-Pierre. C'est la structure de l'Institut du Bon Pasteur qui voilà, débute un peu, c'est une aventure qui débute vers 2004, et en fait, ils ont quand même le soutien, entre guillemets, du Saint-Siège, Vatican II, etc., quelques temps après. Mais bon, toujours est-il qu'eux sont par contre exclusivement attachés à l'ancien rite, au moins pour le rite de la messe et tout ça. Je ne sais pas trop l'ampleur de la structure, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques noms connus... Et l'autre m'échappe, d'ailleurs, là, très ami avec Alain de Benoît, il est assez curieux, l'autre prêtre qui est un peu à l'avant-garde, qui doit être à peu près de sa génération. Mais Jean-Marie Le Pen donc, a eu différents propos, différents déboires avec, entre guillemets, l'Église catholique, à savoir l'Église post-Vatican II, qu'il a pu identifier, puisque dans le Fils de la Nation, il en a fait un propos. Et en effet, bah, tout ce qui est personnaliste, démocrate chrétien, moderniste, progressistes, etc. Il se les est pris dans la tronche, à peu près plus encore que les militants fascistes comme Léon de Grelle se sont pris le clergé dans la tronche, qui était à peu près le même. La grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas eu encore Vatican II, et donc tous les rites étaient d'un genre valide. Tous ces hommes appartenaient encore à l'Église catholique. Par contre, ils faisaient des professions de foi qui commençaient à être progressistes, démocrates chrétiennes, etc. Donc ils avaient le fascisme dans le nez, comme je le disais pour Léon de Grelle, mais pas seulement. Et là, donc, ouais, Jean-Marie Le Pen s'est pris ça dans la gueule, donc il a dû réagir à une époque où ces non-évêques, j'ai envie de dire, ils disaient rien contre l'avortement, etc. Par contre, ils arrivaient à faire une levée de bouclier quand il s'agissait de défendre la loi de 1905, ou encore de dénoncer Jean-Marie Le Pen et le vote. Le pénis, le vote FN, etc. Donc il a dû s'opposer à cela, et il l'avait quand même finalement bien identifié, ne serait-ce que la proximité avec l'abbé Laguéry, voilà, a pu aider à ce niveau. À gauche du Parti radical, du Grand Orient et de la Ligue des droits de l'homme, je vois quelques évêques. Ils sont en civil pourtant. C'est à ça que je les reconnais d'ailleurs. Ils ont le col roulé, n'est-ce pas ? Alors eux, c'est le tir de barrage. Ils attaquent des évêques de gauche et d'extrême gauche. C'est quand même rare. C'est à ma connaissance la première fois qu'ils montent au filet sur le plan politique. On ne les a pas entendus parler du goulag. On ne les a pas entendus condamner le génocide communiste en Afghanistan ni au Cambodge. Et si vous vous mêliez de ce qui vous regarde, c'est-à-dire de ce qui touche à Dieu, au spirituel, à l'Église. Et si vous laissiez à gros gens que nous sommes le soin de nous occuper de la politique qui ne vous regarde pas plus que les autres, vous n'avez pas plus d'autorité dans ce domaine que le dernier des citoyens, et vous abusez de votre fonction en lançant l'anathème que vous lancez. Eh ben, ces évêques, tout simplement, ça va être compliqué pour eux, hein, d'avoir été très silencieux ou très ambigu sur la question de l'avortement toute une vie. Lorsqu'on est évêque, c'est difficile de se présenter devant Saint-Pierre après avoir fait ça. Ça va être très compliqué pour eux, ou ça a été très compliqué pour eux. Alors que Jean-Marie Le Pen a reçu l'extrême onction au moment de sa mort, donc on peut dire que normalement il est sauvé. Voilà. Donc, eux, je ne sais pas, mais en tout cas, Jean-Marie Le Pen, normalement, c'est fait. Hein. D'ailleurs, je pose une petite colle, c'est assez rigolo, parce qu'on parlait de l'abbé Philippe Laguéry. Il a aussi donné l'extrême onction à quelqu'un de très connu. Est-ce que vous savez qui c'est, peut-être ? Ça peut-être vous surprendre. En tout cas, ça va surprendre nos auditeurs, je suis sûr. Ça ne me dit rien. C'était une affaire qui a fait un petit peu de bruit, Et quelqu'un qui, normalement, enfin, très probablement, encore une fois, je ne suis pas dans le secret du Christ, hein, mais normalement, devrait être au ciel et qui s'appelait François Mitterrand, qui, toute sa vie, combattu, on va dire, en tout cas, contre l'Église, mais qui a toujours gardé un fond de religion catholique, et qui a demandé les derniers sacrements, qui a demandé à monsieur Philippe Labelle-Aguirre, qui s'est exécuté d'ailleurs, hein, qui a fait ça, il a fait son boulot de prêtre, hein, il n'y a pas de problème, peu importe la couleur politique. Donc voilà, c'est une information assez curieuse, mais comme quoi c'est possible. D'accord, intéressant, je ne savais pas. Bizarre que quelqu'un comme Mitterrand aille vraiment vers un prêtre comme Laguéry pour administrer les derniers sacrements. Je savais même pas qu'il tenait encore vraiment à la foi catholique. En privé, si, il y tenait, ouais. Et puis il était encore un peu imprégné de ça. D'un point de vue politique, bon, son bilan est, on peut dire, catastrophique. Mais en tout cas, sur les questions des attaques envers l'Église, c'était pas vraiment le plus zélé des gauchistes. Donc, il a toujours été un peu partagé sur cette question-là. Donc, c'est pas tant une surprise que ça. Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui est né avant Vatican II, etc. Donc, il a connu les vrais sacrements, il a connu la vraie tradition, il a connu les rites. Et donc, il a vu la différence entre l'avant et l'après. Et il a dû se dire, bon, là, je suis en train de mourir, on va pas prendre le risque, hein. Lui, c'est un prêtre, à mon avis. C'est sûr, ce qu'il fait, c'est le sacrement, c'est sûr. On va aller au plus sûr. Vous savez, dans les moments-là, tout s'envole. Hein. Et là, il n'y a que la vérité qui reste. Hein. Oui, oui pour Mitterrand, n'oublions pas non plus son passé pétainiste, hein, puisqu'il a reçu la Francisque du maréchal Pétain. Faut pas oublier ça aussi non plus. Bah ouais, j'allais rebondir c'est un peu sur deux choses comme ça. Bon, à l'article de la mort, tu te poses tout de suite la question. Et tous ces gens, même... comme Voltaire, hostile à l'Église catholique, ont vraisemblablement fait appel à un prêtre à l'article de la mort. Donc c'est un peu le moment où on va à l'essentiel. Là, il n'y a plus rien qui reste. Et puis bon, comme vous l'avez dit avec Mitterrand, les gauchistes l'avaient grillé. Il avait notamment fait une manifestation anti-immigration radicale à une époque où l'immigration, comparée à aujourd'hui, c'était pas grand-chose. Enfin, ça se comptait peut-être en dizaines de milliers, hein, dizaines de milliers. Globalement intra-européen aussi, mais bon, voilà. Et voilà, il s'affichait avec des trucs un peu dehors étrangers. Donc voilà, il a été très arriviste, le Mitterrand, mais il lui est resté quelque chose, de même qu'il ne s'est pas excusé face à El Kabach par rapport à la France de Vichy, qui serait coupable, etc. Ce qu'a fait, au contraire, la droite en France avec Jacques Chirac, et notamment Gianfranco Fini en Italie, où là, on va à Yad Vashem, etc., pour montrer le basculement. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais vous, parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, je voulais rebondir un peu sur l'Institut du Mont Pasteur. Il y a l'abbé Laguéry, qui est le fondateur d'ailleurs, et le nom qui m'échappait tout à l'heure, c'est l'abbé de Tannouarn, sur lequel il y a énormément de dossiers qui traînent et qui sont plus ou moins justes. Ça parle pas mal de franc-maque et de je sais pas quoi, mais il a l'air assez nouvelle droite. Et l'autre très connu qui vient de là, évidemment, et qu'on a déjà mentionné, c'est l'abbé Raffray. Donc ces prêtres-là sont passés en général par des ordinations de la part d'évêques lefévristes. Il y avait aussi l'abbé Olagnier qui est décédé depuis quelques années maintenant. Voilà. Qui était plus tout jeune, qui était un ancien fondateur, je crois, de la fraternité, cofondateur de la fraternité Saint-Pédicin, je pense. C'était un ponte de la fraternité Saint-Pédicin qui en est parti avec, en même temps que l'abbé Laguéry d'ailleurs. Oui, toujours avec cette tentation un peu rallier Rome, parce que voilà, ça serait l'autorité légitime malgré tout, et voir. Enfin, ouais, franchement, un ralliement assez franc. Un peu moins que la Frate Saint-Pierre, qui elle-même est une hémorragie encore, la Frate Saint-Pédis, de gens peut-être un peu plus libéraux, disons. D'ailleurs, je vais arrêter avec la Bulgarie, mais je vais finir là-dessus. Il a été mal reçu, d'ailleurs, par la famille Le Pen lorsqu'il a fait l'extrême-onction. Notamment les filles Le Pen qui n'ont pas voulu de lui parce qu'il est trop, entre guillemets, sulfureux. Alors bon, par rapport à nous, il est à l'extrême-gauche d'un bloc comme nous, l'abbé Laguérie. Hein. Mais bon, pour les filles Le Pen qui recherchent la respectabilité, l'abbé Laguérie, c'est un grand Satan. Quoi. Donc, ils avaient voulu empêcher l'abbé Laguérie de d'appliquer les derniers sacrements à Jean-Marie Le Pen, quoi, ce qui est quand même, c'est quand même fort de café. Mais voilà, ils n'ont pas réussi, il a quand même fait ce qu'il devait faire. Et c'était, je crois, en raison de... Bon, parce que c'est lui qui avait baptisé la fille de Dieudonné, et puis Jean-Marie Le Pen, c'était le parrain de cette fille, et aussi parce que l'abbé Laguérie est connu pour avoir célébré les obsèques de Paul Touvier. Donc Paul Touvier, c'était un ancien de la milice. Mais encore une fois, hein, que ce soit Paul Touvier, Jean-Marie Le Pen ou François Mitterrand ou qui vous voulez, en fait, à chaque fois, l'abbé Laguérie, il a fait son boulot. Hein. On ne regarde pas la couleur politique des gens. Quelqu'un demande les sacrements, il les a. Si c'est les obsèques, il faut les faire, on les fait. Et il n'y a pas de problème, quoi. Paul Touvier quitte la salle des assises de Versailles. Il est incarcéré à Fresnes. Il a 79 ans. Il meurt à Fresnes 2 ans plus tard, le 17 juillet 1996. Et à son enterrement, l'abbé Philippe Laguérie, qui est un fidèle de Mgr Lefebvre, évoque son âme délicate, sensible et nuancé. Ouais, en parlant de Paul Touvier, bah, je crois qu'il y a une séquence, il y a un journaliste qui interroge, pour rester dans le sujet principal, il y a un journaliste qui interrogeait Jean-Marie Le Pen par rapport aux funérailles, aux obsèques de Paul Touvier. Et le journaliste dit, est-ce que vous y allez, vous? Et Jean-Marie Le Pen dit, et ta sœur, toi, tu y vas ou pas? Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur? Je vous pose la question, monsieur Le Pen, je suis journaliste, je voudrais savoir si vous allez à l'enterrement de Maurice Papon demain. Monsieur, Maurice Papon était un haut fonctionnaire gaulliste, je vous rappelle. Et je n'étais pas de cette paroisse. Allez donc demander aux députés UMP qui l'ont bien connu ce qu'ils compteront faire. Mais sinon, ouais, je voulais. Tu fais bien aussi de rebondir sur les filles là. Parce que je crois que Jean-Marie Le Pen, lui, avait demandé expressément qu'on célébrât ses obsèques avec une messe tridentine, mais apparemment, ses filles n'ont pas respecté ça, et ses hommages ont été déroulés avec une messe Paul VI moderno. Donc ouais, ça, c'est un peu dommage. Elles ont empêché un peu voilà, que le prêtre arrive. Bon, il est passé, mais il y a eu un conflit. Donc, en plus, la fille Le Pen principalement mentionnée n'était pas directement Marine, c'est dire si les trois filles n'étaient pas des ingrates absolues, même si Marine est évidemment un peu la pire de la liste, puisqu'elle a bénéficié entièrement de l'empire de son père, qui lui a donné les clés, et elle a tout foutu en l'air, un petit peu comme Juan Carlos, le roi espagnol avec Franco, au moment où on lui donne les clés, balance tout à la porte, ralliement international et machin. Bon, mais, sauf que là, c'est version féminine. D'ailleurs, Marine Le Pen, dans les années 2012, je me souviens qu'il restait un semblant de doctrine politique. Vous aviez un peu le giron des identitaires, vous aviez les souverainistes à la Philippot et tout ça. Donc, il y avait une petite envergure. D'ailleurs, il y avait Soral qui mettait, vous savez, le livre de Comprendre l'Empire, là, qui était sur son bureau. En fait, à ce moment-là, il y avait une reste d'envergure. Ça valait ce que ça valait. C'était pas Jean-Marie Le Pen et les fondateurs du FN, ex-SS, ex-AF, voilà, super extrême droite et tout ça. Bien que lui sorte de la 4ème République en réalité, donc il a une origine et un héritage un peu plus particulier, beaucoup de populistes de tribun. On le ressent d'ailleurs, hein, il parle très bien, sans notes. C'est en cela qu'il est très accrochant, là, même quand on le revoit sur INA.fr, l'heure de vérité et tout ça, le bon français. Ah, il était flamboyant. Hein. Ouais, c'était fait. Voilà, préparé avant d'être en face de Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est quelqu'un qui avait une grande culture aussi. Donc, il y avait quand même pas il mal était de. En slip. Ah, ouais. Pour paraphraser Jean-Robin. Il y a pas mal de petits nouveaux là, qui pensaient à faire des leçons de pile-poule à Jean-Marie Le Pen. Ils ont été rhabillés pour l'hiver. Hein. Et puis, il faisait courir. Il faisait courir les rouquins aussi. Je sais pas si c'était Catenance. Jean-Marie Le Pen en visite à Mantes-la-Jolie. Des militants anti-FN l'accueillent. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Peulvast-Berjal. Un policier tente alors de le calmer. Le sourire est plaqué, mais le ton de la visite est donné. Venu soutenir sa fille Marie-Caroline, il se dirige vers le centre-ville. Vous avez été l'homme quasiment jusqu'à vous-même, vous mêlez à la bagarre. Ah ben, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme. Et il va le montrer une deuxième fois, surprenant son entourage. Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Pédé ! Ça va, Caro ? Ah, ça me rajeunit. Ouais, et puis Jean-Marie, il avait toujours aussi une petite touche d'humour et le sens de la formule avec plein de jeux mots croustillants comme dur à four, crématoire, etc. Ça, c'est collector, quoi. Quand il est accusé de racisme aussi et qu'il dit « Mais vous voulez quoi que j'ai mon personnel de maison qui est noir, vous voulez que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque ?» Et encore, je crois que ce serait encore douteux, etc. C'est devenu tout seul, là. Quand il a dit noir, c'est bizarre, le mot sidaïque est venu naturellement juste après. Il avait fait un lien. C'était un bon, ouais, c'est en bonus, mais ça allait avec. Quoi. Le bon Jean-Marie. Ouais, à côté, franchement, peu importe la couleur politique, hein, les gens que nous croisons actuellement dans la sphère politique, c'est vraiment des nains, quoi. C'est vraiment des nains. La deuxième personne que je mettrais en termes de bagou comme ça, mais très très loin, ça serait un peu Mélenchon il y a 10 ans, quoi. Mais c'est incomparable. C'est des petits, hein, des petits. Hein. Mais Mitterrand avait de l'épaisseur, on parlait de Mitterrand. Mitterrand avait de l'épaisseur. Je peux pas dire de Mitterrand, c'était quelqu'un qui avait aucune culture ou qui était bête. Non, non, d'ailleurs, dans les débats, il en a mis en slip, justement. Voilà, franchement, la classe politique actuelle, même chez nous, hein, franchement, c'est. Ça fait peur. En même temps, t'as plus les conditions un peu de ces hommes-là où voilà, Jean-Marie il peut vanter le fait d'avoir fait l'Algérie, voire l'Indochine, des trucs comme ça, un peu comme Hollande. Donc ça crée un type d'homme qui nous on n'a pas pu connaître ça. On a connu d'autres difficultés, mais certainement pas la guerre et moindre en comparaison. Et même Mitterrand qui était cultivé là lors des un peu des prémices de l'Union européenne, les structures pro-européistes et tout ça, il citait comme date importante le baptême de Clovis, quand même, pour l'Europe, hein. Donc 496, alors que Chirac, lui, ne trouvait rien de mieux, ce troll, ce comique, mais vraiment dans tous les sens du terme, il avait cité la date 1664, vous savez, la bière, quoi, en fait. C'était donc, pas un trait voilà. D'humour, mais ce qui n'est pas fait exprès. Ouais, c'est un trait d'humour, mais bon, à une réunion très sérieuse où des gens avaient envoyé du lourd et des bonnes dates, comme. Mais bon, voilà. Bon, donc pour l'identification à Jean-Marie Le Pen, c'est un peu ça. C'est bon, c'est aussi propre à une période et elle n'est plus. Nous, on a connu du conformisme et du confort à outrance. Qui est en train de se saper un peu, d'ailleurs, cela dit. Et en fait, Jean-Marie Le Pen, là où, même s'il pourrait y avoir des défauts à canonner, bah, nous, on est des jeunes blancos, on débarque, il n'y avait pas grand-chose, et donc, lui, il nous a donné une raison d'être un peu fiers de notre patrie, de notre patrimoine, culture, notre langue, et tout ça, donc, et pas seulement, donc, voilà, ça nous a fait. C'est pour ça que c'est quand même un peu difficile de le déboîter, même si je connais un peu les nationalistes d'avant-garde de ces années 90, 2000 et tout ça, qui ont mille et un trucs à lui reprocher, genre ne pas être assez implanté de façon militante dans les régions, trop faire confiance à l'appui télévisuel et tout ça. Tout cela sont des critiques évidemment recevables. Et après, il y a l'affaire de 2002, le second tour non prévu, machin... C'est sûr qu'en un demi-siècle, et on a des choses à dire aussi, le fait de sauter sur les héritages et machin, tout ça je le connais, mais ça n'empêchera pas que nous, je veux dire, on n'est pas des conspirationnistes fous dingos à juste trouver le truc qui va pas. Il faut penser bien commun, et globalement, cet homme-là a provoqué du positif, il était un véritable homme comme on n'en fait plus, donc forcément, il y a beaucoup de bien de provoquer avec ça, quoi. Ouais, je partage complètement ton impression là-dessus. C'est un bilan qui est globalement positif. Et ça nous a été rappelé d'ailleurs récemment lorsque les gauchistes ont bien sûr voulu célébrer ce décès de Jean-Marie Le Pen. On a compris qui était qui et qu'il y avait une ligne rouge qui était tracée au sol et qu'il fallait absolument d'être d'un côté ou de l'autre. Donc au moins, c'était clair, quoi. La ligne de démarcation était plus en faveur de Jean-Marie. Et finalement, si on devait lui reprocher qu'un seul, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, mais je pense que si on devait le reprocher qu'un seul élément, ce qui est cocasse, c'est l'élément le plus important d'un point de vue politique, c'est le fait qu'il ait passé la main, qu'il se soit retiré, en fait, qu'il ait passé la main à sa fille, Marine Le Pen. Donc en fait, ce qu'on lui reproche, c'est justement d'avoir cessé, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que Jean-Marie continue, etc. Donc comme quoi, il était vraiment quelqu'un d'indispensable. Bon, après, Marine, voilà, on a eu la débandade. Ouais, parce que bon, à l'époque, en 2011, si je me trompe pas, il y avait soit Marine Le Pen qui devait le succéder, soit il y avait Bruno Gollnisch qui était un peu son dauphin depuis longtemps. Mais bon, je sais pas, pour X ou Y raison, bah, la balance a plutôt penché du côté de Marine. Peut-être que ça aurait été vraiment différent et beaucoup mieux avec Bruno Gollnisch comme successeur. Mais ça aurait été plus dur, je pense, sur le point de vue des résultats, parce qu'il est un peu trop effacé, Bruno Gollnisch, je trouve, d'un point de vue médiatique. Mais c'est pas quelqu'un qui... C'est difficile de s'imposer derrière Jean-Marie Le Pen, hein, je peux pas lui faire une critique à ce pauvre Bruno Gollnisch. Mais il aurait été plus juste dans les idées, quoi. Quelqu'un qui, pour Bruno Gollnisch, qui a compris la question révisionniste, hein, il a très bien compris. Bon, il a lâché du lest en public parce que il a eu un petit procès, mais il a très bien compris la question révisionniste. Il faut dire qu'à un moment donné, ce qui se passait dans les universités de Lyon, où est-ce qu'il gravitait autour, puisqu'il enseignait là-bas, il y avait un nid de fachos, là, dans l'université de Lyon. Tu t'approchais, mais t'avais tous les nazis de l'univers qui étaient dans la même ville, c'était beau, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est bah, autour de Gollnisch, en fait, il y avait tout un peu les nationaux de l'ancienne école. Et typiquement, celui qu'on connaît, c'est Yvan Benedetti, qui était un peu son chargé de campagne à ce moment-là. Donc, tous ceux qui se retrouvent un peu jeunesse nationaliste, Alexandre Gabriac et d'autres têtes, c'est souvent été justement dans son giron, une fois que ça passe à Marine Le Pen et qu'il y a en quelque sorte une épuration interne qui ne tue pas physiquement comme celle de 44-45, mais voilà, qui éjecte de la structure, de même que c'est même le père président d'honneur, Jean-Marie Le Pen, qui finira par être éjecté d'ailleurs. Là, ouais, c'est un peu une page qui se tourne, et puis je pense, dû à ces séries d'échecs électoraux, l'affaire de 2002, les choses comme ça, peut-être que les gens, par l'effet de lassitude, et ça n'est pas bon, mais ils se sont dit, bon, bah, les provocations Jean-Marie Le Pen, faut tourner une page, et le nom Le Pen était porteur avec la fille, et là on a tenté la carte conformiste de celle qui passe à la télévision, et à partir de là on parle plus que de laïcité, d'islam et de je ne sais pas quoi. Et des sujets plus d'arrière-garde, même si c'est important. Et puis même la lutte contre l'immigration est moins radicale qu'actuellement chez Zemmour. Donc c'est là, il n'y a plus grand-chose à en espérer. Donc pour l'héritage laissé, voilà, nous on admire l'aspect combatif, mais pas l'aspect 3.0 qui est sorti plutôt de là. Hein. Voilà, on préfère... l'industrie, la première industrie, vous savez, on pose des questions économiques à Jean-Marie Le Pen avant de répondre sur un plan plus financier et économique. Il va dire la première industrie qu'il veut faire en France, c'est une usine à couilles. Donc voilà. Excellent. C'est provocation de base. Mais si vous voulez, je continue parce qu'on n'a pas parlé trop de l'aspect Vatican II. C'est un aspect important de Jean-Marie parce que les gens, ils s'imaginent que Jean-Marie était quelqu'un de. Qui est devenu en fait aussi la religion catholique. C'est très mal résumé le personnage. C'est quelqu'un qui a grandi forcément avant les pirouettes de Vatican II, qui a bien compris l'avant et l'après lui aussi. Et c'est pas quelqu'un qui avait une mauvaise vie. D'ailleurs, on lui a reproché, c'était un peu idiot, on lui a reproché de s'être marié avec Jeannie Le Pen, mais il s'est marié en deuxième noce parce que sa première femme était décédée, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'était même Bah, tiens, justement, mariage célébré par qui? Bah, tiens, par l'abbé Laguérie, qu'on entend en parler justement, encore une fois, qui d'ailleurs, il y a un épisode filmé au début de la cérémonie, et cet abbé précise qu'il organise ce mariage tout à fait normalement, avec l'accord de l'évêque local, moderniste, hein, du coup, puisque l'abbé Laguérie doit demander la permission. Bah, c'est normal, là, il est veuf, il peut très bien se marier, il n'y a aucune. Il n'a pas fait un péché mortel que c'est que cette histoire, quoi. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de dire ça, que le premier mariage était celui civil, d'ailleurs, pour l'avoir trahi, là, elle avait fini dans l'espèce de truc couverture Playboy et tout ça, donc c'est. Excusez-moi, je me reprends tout de suite, non. Pierrette Le Pen n'était pas mariée religieusement à Jean-Marie Le Pen. Excusez-moi, j'ai confondu, elle n'est pas morte, elle est toujours en vie. Donc il n'était pas marié religieusement avec elle, donc il avait le droit de se. Bah, marié ou remarié si on considère la question civile, quoi. C'est ça, ouais. Ce n'était qu'un mariage civil, alors que Jean-Yves Le Pen, qui l'a fait peut-être assez tardivement, était celui religieux et l'unique qu'il ait pu faire. Il s'est exprimé là-dessus, en fait, c'est que bon, il a baigné dans la foi catholique, donc il en parle assez longuement dans sa jeunesse. Ce qu'il l'a fait, c'est une affaire personnelle avec un prêtre qui l'a fait rejeter à un moment donné le catholicisme, et lui-même il se dit. J'étais idiot parce que juste pour la figure d'un prêtre en particulier, c'est comme si j'envoyais toute la structure et la foi avec, alors que bon, par ailleurs, il y a eu toute une série de bons pères à côté. Donc il s'est remis en question à ce niveau-là. Il en parle assez longuement et c'est notamment dans ses mémoires. Hein, donc je pense à un chapitre genre Tribun du peuple où à un moment donné, il en est question. Et même, pas méconnaissant de la doctrine catholique, il est là à dire... alors, il y a un propos, ça peut faire un peu le févriste, mais il fait... finalement, l'Église a beaucoup erré avec Vatican II. Bon, il assimile un peu les deux ensemble, mais en disant l'Église a erré, elle qui n'en avait pas le droit. Ce qui est tout à fait juste, c'est... Elle n'a pas le droit, un clerc qui n'enseignerait pas ce qu'est l'Église, bah... Il est en dehors, il ne peut pas entraîner le Christ et son Église avec son propos débile qui qu'il soit. Un peu comme un pape, il est infaillible et tout ce qu'on voudra. Cependant, s'il ne fait pas ce que veut l'Église, ce que enseigne l'Église, si d'un seul coup ça part complètement dans autre chose, il n'a pas le droit, ça n'est pas un tyran en fait. Il règne sur les âmes des catholiques, mais s'il règne dessus, c'est parce qu'il remplit objectivement sa mission en tout point. Et finalement, dans son intelligence, Jean-Marie Le Pen le remarque, ça. Donc c'est intéressant. Et puis, il évolue. Et finalement, c'est un peu une génération, vous savez, même Mussolini, c'était pareil. Catholique jusqu'à l'adolescence, il rejette ça. La phase révolutionnaire socialiste, Georges Sorel, voire même un petit peu de Karl Marx, dit-on. Il n'est pas marxiste, mais apparemment, il serait passé un peu par là. Et finalement, dans les années 20, avec un peu l'aspect contre-révolutionnaire de son régime qui se dessine au fur et à mesure des années, pas tout au début, parce qu'il condamne la franc-maçonnerie qu'en 1923, il fait un concordat qu'en 1929, il échange avec le Padre Pio, et c'est là où il commence à dire... Mais bon, au Parlement italien, dans les années 23-24, il faisait déjà des éloges de la foi catholique, qui ne s'oppose pas à la science, qui Saint François d'Assise, le saint de l'Italie, et toute une série comme ça. Donc on est face à une génération, même si c'est là, peut-être 40 ans de distance, où il y avait beaucoup de ce genre de cas, finalement, de quelqu'un qui baigne dans la foi catholique, qui ne l'est plus vers l'adolescence, qui le retrouve, qui fait son cheminement d'une certaine façon. Donc, bon, tant mieux quand ça va. Dans un sens positif, quoi. Je crois qu'on peut aussi mentionner le fait sur la fameuse mauvaise vie de Jean-Marie Le Pen, qui je pense est faux, hein, c'est faux d'annoncer les choses comme ça, la relation qu'il a eue avec Pierrette Le Pen, donc sa première femme, on va dire, d'un point de vue civil, qui elle, du coup, on peut dire qu'elle a eu une mauvaise. Enfin, elle a fait un événement qui est. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est. Elle a posé à moitié nue dans le magazine Playboy pour se venger politiquement et publiquement de Jean-Marie Le Pen. Enfin, en tant que mère de famille, c'était pas, c'est quand même pas dingue. Et un des reproches aussi que les catholiques le font, c'est le fameux divorce. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, c'est pas il n'y a pas de divorce dans la religion catholique. Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié. S'il y a une rupture du mariage, ça arrive que dans deux cas. Bah, y a un des deux époux qui meurt, tout simplement. Ou alors, c'est ce qu'on appelle une annulation de mariage, qui est un faux terme. C'est en fait un terme, un mot valise, bien pratique, qu'on utilise, mais qui ne veut pas dire que le mariage a été annulé. En fait, ça veut simplement dire qu'il n'y a jamais eu de mariage. On dit ça pour parler simple, mais sinon, il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique, ça n'existe pas. Et donc, on lui reproche un divorce, parce que lui, il a un divorce civil. Mais si vous voulez, c'est pas le divorce... Vaut mieux éviter, évidemment, mais c'est pas le divorce en soi qui est condamné par l'Église catholique. C'est pas du tout ça. Vous pouvez être quelqu'un de divorcé civilement et, par exemple, aller communier. Il y a des cas où ça se passe. C'est le remariage. Attention, c'est pas la même chose. C'est le remariage qui pose problème à l'Église catholique. Si vous voulez, l'Église s'en fout si jamais vous allez à la mairie signer 2-3 documents pour dire que, bah voilà, de fait, ça fait, par exemple, pour le cas, ça faisait 2 ans ou 3 ans que Jean-Marie Le Pen n'avait pas vu son épouse Pierrette, quoi. Oui, bah, qu'est-ce que l'Église catholique, on a affaire de ce truc-là. C'est un papier civil, aucune espèce d'importance, quoi. Donc là, je voulais repréciser là-dessus, parce que c'était quand même un mauvais procès qu'on lui a fait, qu'on lui reproche des choses qui fait mal, très bien, on peut en parler si vous voulez, mais qu'on lui reproche pas ça, parce que c'est... Voilà, des paperasses administratives et tout, c'est pas le... Ça va pas à l'encontre de la religion, quoi. Ça n'a aucun rapport. Ouais, tu fais bien de répondre à ce reproche qui émane de se faire plus catholique, en fait, justement, mais qui n'ont pas grande valeur devant Dieu. Alors, je crois qu'il y a une légère reconnaissance, parce que ça tient quand même du droit naturel. Donc, on va pas dire que les enfants sont des bâtards si un passage civil, mais bon, je sais, c'est assez délicat, et voilà, en tout cas, c'est un faux procès qui lui est fait, comme tu dis, quoi. Surtout que là, il y avait déjà un divorce de fait. Voilà, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils n'étaient plus ensemble et qu'il y avait une rupture de fait. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le cas le plus serein, quoi. Il n'y a pas de matière à... Ça n'a rien de polémique là-dessus. Mais c'était vraiment stupide, quoi. C'est un peu des travers qu'on a un peu dans nos milieux, à chercher la petite bête, même, pour le coup, même l'inventer dans ce cas présent, pour rien, quoi. Juste pour pinailler, quoi, être plus royaliste que le roi. Ça, c'est assez désagréable, hein, ce genre d'attitude. Malheureusement, assez courante chez nous. C'est clair. Et je repensais à des petites productions assez incroyables de Jean-Marie Le Pen, parce que autant ces dernières années, voire dernières décennies, il n'y a peut-être pas eu des trucs de production doctrinale nationaliste hardcore ou que sais-je, mais en fait, il en a eu. Alors, il y avait quand même un entretien à la presse, je me souviens, où il avait dit il faut sauver notre Europe boréale de Vladivostok au port portugais, là, je sais plus, enfin bon, de tout à l'ouest à tout à l'est, donc le monde blanc, et parler de démographie. C'était un message assez radical qu'il faudra retrouver, là, c'était intéressant ce propos-là, et plus récent pour le coup. Mais je me souviens de tomber sur des trucs, peut-être années 70, pour les deux. Je sais pas si vous connaissez, il y avait Blas Piñar en Espagne, qui est un petit peu le Jean-Marie Le Pen espagnol. Il est un peu plus âgé, donc il me semble qu'il était mort dans les années 90 quand même, hein, donc, mais bon, ils ont été en partenariat un peu les deux, et donc Jean-Marie Le Pen a eu de très bons discours un peu pro-franco et tout ça, et même nationaliste et européen, disant que voilà, pour être véritable européen, il fallait être bon français, bon espagnol, bon allemand, etc. Donc il y avait des discours tout à fait viables, et je me souviens que lui, très certainement, il a lu un ouvrage de Jacques Plancard d'Assac comme doctrine du nationalisme, doctrine au pluriel. Vous savez que Jacques Plancard avait écrit un peu sur les nationalismes d'Europe de l'Ouest, Allemagne comprise, mais il y avait beaucoup sur le Portugal, l'Espagne avec les phalangistes notamment, le fascisme italien et l'aspect français. Je pense qu'il avait traité pas mal de Vichy, d'Orient, des choses comme ça. Voilà, et Jacques Plancard d'Assac a eu un type de production à un moment donné de ce genre, et même de critique de la démocratie, on va dire, inorganique, quoi. Donc vraiment, dans les années 70, c'est de Jean-Marie Le Pen lui-même, il y avait de sacrés trucs, des petites perles à connaître et à découvrir, quoi. Oui, et même dans les années 90, il disait ouvertement qu'il était racialiste et qu'il admettait ouvertement qu'il croyait à l'inégalité des races, que l'histoire de l'humanité le prouve entièrement, quoi. Et puis, bah oui, bah, pour revenir bah, à la figure ouais, de Blas Piñar, effectivement, c'était une figure du nationalisme espagnol dans la période post-franquiste, juste après la mort de Franco, lors de la transition démocratique dans les années 70-80, où là, il incarnait en fait vraiment cette Espagne qui ne voulait pas se renier cet héritage laissé par Franco et qui était opposé à ce régime, au retour de ce régime démocratique, une sorte de crypto-république avec une monarchie constitutionnelle et voilà, un parlementarisme, etc. Donc, ouais. Je sais pas si, je crois qu'il est mort il y a quand même pas mal de décennies déjà. Ouais. Ouais, je pense que c'est années 90, alors que Jean-Marie Le Pen, c'est presque 30 ans après. Et tu dis bien sur l'inégalité des races humaines, là, je reprends une expression, c'est quoi ? C'est Gobineau, Arthur de Gobineau. Dans le thomisme, dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, on voit une distinction aussi qui est faite sur les hiérarchies. Voilà, avec le principe du bien commun et des hiérarchies, finalement. Certes, il va d'abord prioriser la hiérarchie morale, la vertu d'un peuple, etc. Mais finalement, il ne s'oppose pas au fait qu'un peuple soit au-dessus de l'autre, etc., en certains points. Et même, il vient inventer l'homogénéité, finalement, d'une société, en sachant que comme les gens se ressemblent plus, ils se reconnaissent plus les uns dans les autres. Et donc, c'est moins conflictuel et plutôt bénéfique de soutenir ces sociétés. Donc là, les super cathos néo-thomistes, là, qui sont des dégénérés. Très souvent, les néo-thomistes, vous prenez à partir des années 30-40, il y a Jacques Maritain qui arrive, et les gars, ils font l'éloge de tout ce qui est... Il y a le problème du surnaturalisme, qui est ce qu'il est et qu'on connaît, mais alors il y a ce problème-là des néo-thomistes qui ont complètement dégénéré dans un truc de démocratie chrétienne, genre sous prétexte que saint Thomas donne une grande place à la raison, à la nature. Eux, ils sont allés pousser jusqu'au bout pour le placer, pour le donner à l'individu, quoi. Et là, on tombe même dans un truc que Jean-Marie Le Pen justement dénonçait, comme je disais dans sa critique de la démocratie. Peut-être qu'il a pensé au livre qui est un peu de sa génération, de Jean Haupt, Le procès de la démocratie. Vous avez un livre comme ça. Voilà, il est un homme de cette époque-là, Jean-Marie Le Pen. Je me demande s'il n'a pas vu passer cette littérature. Que j'ai pu voir passer moi-même, parce que dans le milieu nationaliste, ça perdure un peu, on va dire. Est-ce qu'on peut aussi un peu parler du combat de Jean-Marie Le Pen contre la franc-maçonnerie ? Je pense que c'est une mission un peu politico-religieuse. C'est intéressant de voir que, finalement, parmi toute la classe politique, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est illustrée, on va dire, dans le combat qu'aurait pu rejoindre l'Église catholique, et que n'a pas rejoint, d'ailleurs, hein, l'Église catholique a laissé tomber Jean-Marie Le Pen, hein, parce que, les modernistes, hein, je parle, hein, vous avez compris, ils auraient pu s'entendre sur ce point-là, et en fait, Jean-Marie Le Pen a été terriblement seul contre ce combat contre la franc-maçonnerie, qui était en plus, c'était pas caché, hein, là pour le coup, il était en première ligne, il a dit les termes, il y a des émissions qui sont restées dans l'histoire, où en fait, qui me fait toujours mourir de rire, c'est celle où il y a Jean-Pierre Bloch, le président de la LICRA, qui est accompagné par le grand maître du Grand Orient de France sur un plateau de France 3 pour vomir sur Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Pierre Bloch, il a dit, ah ben si Jean-Marie Le Pen était en face de vous, là, sur le plateau de télé, il dirait que c'est la judo-maçonnerie qui est en face devant vous. Bah ouais, c'est exactement ça. Pierre Bloch, Alger, capitale de la France en guerre, aux éditions Universal 89. Merci, vous restez évidemment avec nous. Une autre réaction qui me parvient, celle du Bnébrite de France. Il nous faut dénoncer une fois de plus les déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen, qui n'a plus aucun complexe à reprendre la phraséologie des fascistes et des nazis des années 30. Mais il faut aussi et surtout que la classe politique, toutes tendances confondues, réagisse avec force et sans ambiguïté, et que les paroles des uns et des autres s'accompagnent de la mise en place de plans concrets pour renforcer les moyens de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui passent notamment par l'éducation et la législation. Et là, je me tourne vers Jean-Robert Agache, qui est grand maître du Grand Orient de France. Je ne vais pas vous demander de commenter les propos de Jean-Marie Le Pen dans Duel sur la Cinquière, on l'a largement fait, mais vous vous préoccupez du problème de l'immigration qui a été à l'origine, semble-t-il, de ce vaste débat et qui a peut-être été à l'origine aussi à Dreux de la poussée du Front National ainsi qu'à Marseille. Monsieur oui. Le Pen va dire que c'est la judéo-maçonnerie qui, une fois de plus, est devant vous. Je vois pas où est le mensonge, en fait. Ce qui est triste, hein, c'est qu'après, il y a des éléments comme Collard, le maître Collard, avec de L et non pas de N, qui ont finalement rejoint le Front National devenu Rassemblement National. Donc, franc-maçon, hein, très très connu, hein, l'avocat pénaliste Collard, qui d'ailleurs était l'avocat de beaucoup de choses, hein, de tout un tas d'ordures. Il était aussi l'avocat, tant qu'à faire, hein, de Pierrette Le Pen, qu'on en parlait justement, dans l'histoire de divorce. Donc en quoi il avait vraiment des billes dans tous les mauvais plans, celui-là. Et à ma connaissance, dans cette longue époque du long règne de Jean-Marie Le Pen, peu importe le spectre politique sur lequel vous penchez, je crois que c'est le seul qui a mené ce combat avec autant de férocité. Donc ça, c'est un truc sur lequel les catholiques, pour moi, pourraient dire bah, merci, quoi. Merci, tout simplement. Il n'a pas transigé sur nombre de points. Alors, j'allais rebondir sur deux choses et ensuite pousser en ton sens, Bobby. En plus, j'ai une grosse perle là sous la main. Je retrouve un peu l'info. C'était quand il était allé en Russie en juin 2005, où il avait donné un entretien de la presse, il dénonçait la dénatalité des Blancs. Donc il dit de Gibraltar à Vladivostok, il faut refaire une politique familiale. Ça, c'est ce que j'avais mentionné juste avant. Et il nous a fait une déclaration, donc Jean-Marie Le Pen, c'est notamment sur la franc-maçonnerie, d'ailleurs, parce que le thème est question. Je ne sais pas si vous connaissez ce moment-là, c'était dans Le Monde, le 12 août 1989, où il avait dénoncé SIC, l'internationale juive. Et en plus, elle est énorme, la sortie, dans le sens où il fait les grandes internationales, comme l'internationale juive, joue un rôle non négligeable dans la création de l'esprit antinational. Il cite même la maçonnerie dans ce même entretien, la franc-maçonnerie. Et cette citation que je viens de donner ressemble à 300% en plus à Benito Mussolini, qui en 38 se rapproche d'Adolf Hitler et qui dit c'est pas négligeable de voir qu'en effet les juifs ont participé à toute la pensée antifasciste actuelle. Et donc là, l'esprit antinational, vous savez, c'est la même chose finalement 50 ans après, avec d'autres mots vaguement, mais ça signifie exactement la même chose. Et il dit même, parce qu'il a posé ses billes révisionnistes ici ou là, Jean-Marie Le Pen, de façon, pas façon forisson évidemment, hein, mais délicate, en disant en 89, nous allons vivre pendant quelques années, voilà, on rapproche le cinquantenaire de la Seconde Guerre mondiale, et le poids du passé est trop lourd dans notre pays, dans nos civilisations, nous marchons à reculons en quelque sorte, etc. Où il dit que sans cesse ça s'est ressassé. Donc, il a toujours placé des quenelles d'or sur les sujets judaïsme et révisionnisme ici ou là, et oui, la franc-maçonnerie. Ouais, pour revenir au révisionnisme, c'est clair que ouais, il donnait quelques gages, mais voilà, il n'osait pas franchir le Rubicon et vraiment assumer totalement cette position. Il essayait d'adopter une position un peu à mi-chemin. Et puis bah effectivement, puis Renoir en a souvent parlé avec d'autres révisionnistes, c'est que une fois il avait même hésité à franchir le pas, justement, c'était juste après en fait les déclarations polémiques qu'il avait faites en 87, le fameux détail. Et donc il avait réfléchi toute une nuit pour voir s'il franchit le Rubicon ou pas, et finalement il a laissé tomber, voilà. Est-ce que ça aurait été différent s'il l'avait fait ou pas? C'est difficile à dire. Il aimait bien les lumières des caméras, Jean-Marie. Bon, ça, je pense que malheureusement, c'est quelque chose d'assez répandu. Et donc, si jamais il franchissait ce Rubicon-là, ça voulait dire qu'il faisait une croix quand même sur pas mal de choses, notamment cet aspect-là. Et c'était d'ailleurs, je repense à ça, parce que ça me fait aussi un lien avec ce qu'a dit Rex auparavant. Je me souviens de lorsque des journalistes de TF1 s'étaient présentés chez Léon Degrenne pour un peu parler de lui, et lui avaient dit justement, en parlant du lepenisme, bien sûr, il voulait absolument dire Le Pen égale nazi, etc. Alors que malheureusement, ce n'était pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient présenter, ces journalistes. Toujours bien avisés, évidemment, hein, toujours parfaitement impartiaux et puis justes. Léon Degrenne avait dit quelque chose de très juste en parlant de Jean-Marie Le Pen. Il avait dit qu'en fait, il aimait bien trop le côté matériel, alors que chez Adolf Hitler, c'est quelque chose qui ne comptait pas. Je pense que c'est une analyse tout à fait juste, hein, c'est pas pour insulter la mémoire de Jean-Marie Le Pen, mais c'était les travers de son temps. Et je repense aussi à ça, c'est que lorsqu'on a interrogé Léon Degrelle pour dire, voilà, qu'est-ce que Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il pense d'Adolf Hitler? Donc là, De Grel hésite un peu, mais quand même, il lâche le morceau, il dit « Ah oh, bah, je pense qu'il l'appréciait beaucoup. » Et puis, ce qui est drôle dans cet extrait, c'est qu'on voit la tête de Jean-Marie Le Pen sur le plateau télé. En fait, il est mort de rire. Il n'est pas du tout gêné, il est mort de rire. Mais on peut se poser la question, effectivement, s'il avait une admiration secrète pour Tonton. Oh, c'est sûr. C'est pour moi, c'est une évidence, mais évidemment. Ah oui, franchement, j'ai l'impression quand même, ses qualités d'orateur, il les a quand même pris quelque part, on va dire. Mais puis, lui, des expressions comme l'international vive, dont faisait mention Rex tout à l'heure, ouais, ça ne vient pas de nulle part non plus, quoi. Un certain peintre autrichien l'a utilisé bien de maintes fois dans le passé, donc ouais, effectivement. Là, vous ne croyez pas si bien dire, les gars, puisque de toute façon, il s'est exprimé, Jean-Marie Le Pen, dans un numéro de Rivarol sur l'occupation allemande, et comme maintenant Jean-Marie Le Pen est décédé, le directeur de Rivarol, Jean Bonbon, a pu balancer l'info selon laquelle ce qu'il a écrit dans le numéro papier n'est pas tout à fait ce qu'il m'a dit. En fait, au lieu de dire que c'était pas une occupation de la France particulièrement inhumaine, en fait, il avait dit, Jean-Marie Le Pen, que l'occupation allemande de la France en 40 avait été la moins inhumaine de toutes les occupations du monde entier de l'histoire. Voilà. Donc, voilà, et en fait, il a été corrigé un petit peu dans le texte pour éviter un procès ou deux. Et cette révélation est toute récente et tout à fait publique. Donc, c'est. Voilà, ça donne un peu de bille sur le crypto-pronazisme du papy Le Pen. Voilà, donc c'était pour un peu parler de la disparition de Jean-Marie Le Pen. On a quand même partagé quelques anecdotes assez méconnues, hein, je pense. Nombreuses et méconnues, croustillantes, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de savoir ça. Donc, L'arabe ne doit pas voler, car un arabe qui vole, c'est tous les arabes qu'on accuse. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce qui va t'arriver si t'es contenu comme ça? Tu sais pas, regarde Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va t'emmener. Tu sais ce qu'il fait aux tes arabes qui volent? Il les mange. Alors tu vas te réveiller et tu vas faire honneur aux Algériens, tu vas faire honneur à ta mère, tu vas faire honneur à ton père, tu vas faire honneur aux musulmans, tu vas faire honneur aux Marocains même, tu vas faire honneur à la France parce que sinon tu vas me mettre la choume à lire. Mon personnage qui est encore un enfant, ben il y croit. Que Jean-Marie Le Pen, c'est le grand méchant loup. Parce que Jean-Marie Le Pen, c'était le grand méchant loup. Ça c'est l'expérience de tous les enfants d'immigrés qui ont grandi dans les années 80. On croyait vraiment que Jean-Marie Le Pen allait nous manger. Enfant, tu me demandes pourquoi je suis triste en ce jour. C'est que derrière tes yeux amandes, je vois le monde qui t'entoure. Un voile sombre a recouvert le pays qui t'a vu naître. On a passé la camisole à la liberté, cette folle. De trembler un un jour, c'est sûr, Babylone va tomber. Fort et sage, résiste aux menaces, loin du grand brassage des sexes et des races. Je ne peux t'offrir en ce jour la liberté en plus de mon âme. Très bien, messieurs, passons directement au second sujet. On va parler d'un sujet qui aurait été particulièrement prisé par le camarade Elzinko, qui est malheureusement excusé aujourd'hui, qui nous rejoindra peut-être bientôt dans une prochaine émission. On va parler un peu des femmes. Ça faisait longtemps, mais il faut parler des femmes. On va parler des femmes et puis en plus, on va parler des talibans. C'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Bon, vous savez, les talibans sont méchants, etc., parce qu'ils ne laissent pas leurs femmes faire des comptes OnlyFans. Donc apparemment, c'est très vilain. BFM TV a fait un petit papier, on en avait parlé d'ailleurs, parce qu'il y a une loi rigolote qui est tombée. Apparemment, les femmes afghanes n'ont plus le droit de se présenter à la fenêtre pour éviter tout un tas de problèmes lubriques. Bon, c'est l'Afghanistan, ça c'est particulier comme truc. On avait parlé de ça d'un point de vue un peu rigolo en décembre 2024. Et il y a quand même une pilule qui est mal passée, c'est la réaction des keuks de Boulevard Voltaire. Donc apparemment, c'est la droite qui en ont profité pour laisser un petit crachat sur les talibans. Mais pas en mode c'est des arriérés, ils n'ont pas de technologie, etc. Non, non. C'est un crachat en mode féministe, ces pauvres femmes, etc. Nous, on est bien contents parce que l'Occident, nous sommes libres, nos femmes, elles font ce qu'elles veulent. Regardez, elles peuvent se balader à poil, elles peuvent avorter, elles peuvent créer des comptes OnlyFans, tout ça. Tout ça, c'est génial, la libération sexuelle, l'avortement, la pilule, la contraception, l'homosexualité, c'est génial, on est tous libres. Ils n'ont pas exactement dit les termes comme je viens de les annoncer ici. Mais j'ai trouvé que c'était complètement déplacé de cracher actuellement en 2025 sur le seul État qui a quand même réussi à remettre les femmes au pas. Cuisine ! Avec tous leurs défauts, bien sûr, hein, et leurs abus. Mais c'est le seul État, en tout cas, qui a bien réussi à mettre les femmes au pas. Je pense que c'était très malvenu de leur cracher dessus comme ça, sur ce sujet-là. C'est vraiment très déplacé. Bon, ça... Concernant les droits tardés, là, bah, ça met en lien leur attitude aussi par rapport à la question raciale. C'est que bah, maintenant, ils veulent se faire passer plus antiracistes que les antiracistes eux-mêmes. Bah, là, de même, ils veulent se faire passer plus féministes que les féministes de gauche eux-mêmes. Et donc, voilà, bah, pour se donner une bonne image et se prétendre comme le camp du bien, bah, on va dire ah, bah, nous, c'est nous le camp du bien, maintenant, c'est nous qui défendons les femmes, c'est nous qui défendons la libération sexuelle, etc. Je crois que c'est un peu cohérent et logique dans leur position. Faire des analyses politiques sur la politique française parce qu'en Afghanistan, elles sont obligées de porter une burqa ou en Arabie Saoudite, elles n'ont pas le droit de conduire. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire si en Arabie Saoudite, elles ont le droit de conduire ou pas que... Et puis surtout, voilà, c'est devenu une sorte de, bah, comme tu l'as dit, Ludwig, de féminisme de droite. Voilà. Nous, à droite, on défend les femmes, apparemment, c'est génial. Alors non, c'est un très mauvais calcul politique. Nos ennemis, déjà, ils ne sont pas dupes. Et en plus, ça ne va pas dans le sens de la régénération de la race. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers messieurs de Boulevard Voltaire, mais il faut sortir de la tour d'ivoire. Si vous êtes un homme, vous avez le droit de vous présenter à la fenêtre, hein, contrairement aux femmes africaines. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et regarder, vous avez normalement des Noirs et des Arabes partout. Donc, remettre les femmes au pas et... les mettre à la cuisine et qu'on fasse des gosses et qu'elles arrêtent finalement de forniquer à droite et à gauche et plutôt juste de fonder des familles, c'est une urgence absolue, absolue. Et la promotion de la pilule et de la libération sexuelle et des autres conneries, c'est ce qui est en train de nous tuer. Et c'est une urgence, hein, c'est des mathématiques, hein, c'est une statistique. Hein. Vous faites une projection statistique à partir de 2025 sur une ou deux générations et vous voyez par rapport au nombre d'avortements et aux populations blanches qui restent, vous voyez la catastrophe, elle est mathématique, hein, vous pouvez la calculer. Le Dennis Stomer, ils font ça, ils ont une petite courbe. Je crois que c'est 2050, les Blancs sont en minorité aux États-Unis. Ouais, bon, la vision à long terme, chez ces gens-là, ça n'existe plus finalement. Maintenant, c'est juste des calculs politiques pour dans une logique de bouctiquier, de carriériste, d'opportuniste. Donc voilà, on essaye d'amasser des soutiens en se comportant avec l'air du temps, si on va dire. Logiquement, ben, ce qui compte, c'est pas sauver la race, c'est finalement de se dédiaboliser un peu plus, encore plus, pour être à nouveau fréquentable, et voilà, et dans une logique électoraliste, une logique de boutiquier aussi. La difficulté d'être du mauvais côté du couteau parce qu'on est qualifié d'extrême droite, certains, ça leur pèse trop. Donc ils aiment bien finalement à un moment donné sur un petit sujet qui est un petit peu hors des clivages, c'est pas forcément droite ou gauche, puisque la gauche pro-islam elle va être un peu plus radicale d'un seul coup. Donc ils se placent un petit peu du bon côté du couteau parce que voilà, ils le sont rarement, ça leur fait du bien. C'est la droite saucisson pinard en fait. Je crois avoir compris en fait que ce qu'ils aimaient, c'était un peu de voir des hanches gigotées, sans que ce soit du twerk, évidemment. Faut pas que ce soit africanisant, mais quand même que ce soit débridé. Donc finalement, ils ont cet attachement d'homme charnel, finalement. Et c'est ce qui fait qu'ils se rattachent d'un seul coup à la République laïque, machin. Donc bon, pour Boulevard Voltaire, ça n'est pas si étonnant. Et si c'est des gens un peu plus nationalistes, bon bah c'est... C'est juste que comme ils ne sont pas du tout chrétiens, pas du tout catholiques, ils s'en fichent de ces trucs-là. Donc, d'un seul coup. D'ailleurs, ces mêmes gens mettent nous, catholiques, dans le même panier que les islamistes. Ce en quoi, on va dire, ils ont raison juste pour ce sujet. En revanche, nous n'avons pas du tout les mêmes religions. Donc, il y a des choses peut-être qui sont similaires avec le fait d'être attaché à une société de type traditionnel et patriarcal. Mais voilà, eux, ce faisant, comme vous le dites tous les deux, de toute façon, c'est la droite gauchisée, en fait, quoi. Je suis qualifié d'extrême droite, mais au final, ce que j'admire, c'est mai 68. Et pour que mai 68 perdure, il faudrait en quelque sorte qu'on se débarrasse de l'immigration qui nous ramène l'islam et qui nous ramène l'anti-mai 68 par là même. Il y a un peu de ça. Après, ça se nourrit quand même un petit peu de patriotisme. Un mai 68 un petit peu patriotique, où l'on continue de gigoter nos fesses dans les flaques, là, machin. Et en fait, jusqu'à crever, tout simplement, jusqu'à disparaître, puisque comme vous le dites, on a un énorme souci de dénatalité, de démographie. Et ça ne peut pas être avec des mesurettes, des moqueries sur l'islam dont on n'en a rien à foutre, mais franchement, c'est de la perte de temps. En plus, dans un sens gauchiste, quoi, en plus, dans un sens « je suis Charlie », les types sont d'un seul coup Charlie. C'est de la perte de temps et ça contribue à notre suicide collectif. Donc voilà, faut en sortir, faut arrêter avec tout ça. Et en effet, comme vous le dites, quand en Arabie Saoudite, il y a une femme, on lui a mis un voile de force sur la tête, ça y est, la religion laïque se lève. Donc on voit que le féminisme caricatural est un genre de morale universelle. C'est partout, dans le moindre recoin du globe terrestre, ou de la terre plate pour certains, quoi. Si une femme, à un moment donné, elle a pleuré parce que je sais pas quoi... c'est pas bien. Donc, ils ont une morale universelle, ils ont caricaturé, sécularisé le christianisme dans un message de dégénéré complètement profane et partiel et inutile, quoi. Mais bon, voilà, et puis là, t'as l'extrême droite. En fait, comme aujourd'hui, on qualifie tout d'extrême droite... Je précise que aussi, parce que Rex n'a pas voulu, par pudeur, et je le rejoins d'ailleurs, préciser que cet article de Boulevard Voltaire avait été partagé ailleurs qu'à Boulevard Voltaire, et c'est pour ça que aussi ça nous avait un peu agacé, c'est que ça a été partagé dans des sphères très très très proches de nous, pas juste Boulevard Voltaire, c'est la droite molle, hein. C'est malheureusement, c'était cousu de Phil Banks, ces gens-là allaient écrire ceci. Mais voilà, quand ça touche des gens qui sont très très proches de nous, alors peut-être que c'était un clic malheureux et que ça n'aurait fait pas la pensée de tout un mouvement, je veux bien entendre. Mais là, ça nous a fait mal parce que ça n'a pas dans le bon sens, quoi. Ça n'a pas dans le bon sens. Non, nous ne voulons pas une société avec juste un tout petit peu moins d'arabes et Par contre, les beurettes, c'est pas grave si elles se baladent en jupe, etc. C'est pas notre délire, quoi. C'est, faut pas un tout petit peu moins d'arabes. Faut beaucoup moins. L'immigration, faut qu'elle s'inverse. Les flux, qu'il y ait la rémigration. Et les jupes, les soutifs, je m'habille comme une pute. Stop, quoi. C'est fini, ça. Mais aujourd'hui, tout a changé. Elle est libre de rire, de lire, de mettre une mini-jupe, libre de... Hop, c'est quoi ces connasseries? Ah, non, tu crois que ce Ben Laden, c'est fini, tu t'habilles comme une pète? Rentre à la maison, t'as tes copes de gosses, t'es fait le corse, les manger, tout ce qui s'en souhait. Allez, sort! Ok, qu'est-ce que c'est ce bordel, Naltinos? Le fabuleux destin d'une... Espèce du connasse, va. Dans la sagesse des Grecs, comme quoi même les païens non éclairés de la foi, et même 3 siècles avant Jésus-Christ, vous aviez eu la loi Oppia, par exemple. Et en fait, cette loi, à quoi s'attaquait-elle? À l'immodestie des femmes, immodestie vestimentaire et physique, entendons surtout par là, de toute façon, ça se réduit quand même pas mal à ce sujet. Voilà. Il y a un peu une loi de l'attraction, c'est un peu la pomme de Newton, si j'ose dire, où eux, ils concluent par cette loi, l'immodestie des femmes entraîne irrémédiablement, automatiquement, tous les adverbes que vous voulez, l'effondrement de la cité. Putain ! Donc si vous voulez, excusez-moi du mot, des culs partout, ils ont beau être tous blancs, on va crever, peut-être pas sur 10 ans, mais sur 1 siècle, vous allez voir, quoi. Donc bon... Faut arrêter ça tout de suite. Ouais, mais 68 sans les Arabes, c'est pareil. Hein. À la fin, il y a plus d'enfants blancs, il y a plus de société, il y a plus de pep, il y a plus de papa, il y a plus de maman. C'est la même chose. Vous aurez un peu moins. Et t'as les Arabes aussi. À la fin, t'auras quand même les Arabes. Parce qu'en fait, la nature a horreur du vide et si on se focalise notre combat juste, il faut moins d'Arabes, dehors les immigrés, etc. Sans prendre en compte que oui, il faut que les Blancs fassent plus d'enfants, etc., qu'il faut une politique nataliste. Ce sera toujours un suicide collectif, mais il sera juste plus lent, quoi. On ralentit juste le suicide, quoi. C'est juste ça, en fait. Si on se focalise sur un aspect du combat et pas sur le reste. Vous avez vu la date du premier enfant chez les femmes. Maintenant, c'est quand elles sont trentenaires. Premier enfant à 30 ans. Et ça, c'est quand elle veut faire des enfants. Ah oui, c'est catastrophique. Ouais. Donc, il faut 2, quelque chose pour le renouvellement des générations. Il faut prendre en compte le taux de mortalité. Donc, 2,1, ça passe pas. Côté, donc, on n'y est pas. Hein. Le compte est bon. Non, le compte n'est pas bon. Et par contre, du côté des métèques, eux, par contre, le compte est bon. Hein. Le compte est très, très bon. La plus grande maternité de France, elle est à Mayotte. Et là, ça pond. Hein. Ça en y va 2, 3, 4, 19. Aucun problème. De toute façon, il y a la CAF, il y a tout ce qu'on veut. Donc, il y a une urgence, quoi. Alors, je me corrige tout de suite. Hein, j'avais annoncé 2050 sur le site du Denis Lambert. Non, c'est 2044. Donc, c'est mathématique, en fait. Hein, c'est pas un délire de complotiste d'extrême droite. Hein. Vous pouvez le calculer. C'est une projection mathématique, statistique. À partir de 2025, vous faites une addition tous les ans. Vous avez un chiffre minorité raciale, 2040 et quelques. Bon, ben voilà, c'est réglé, quoi. Minorité raciale, donc après, à la fin, le pays, c'est le Brésil, hein. Mais c'est pas un compliment, hein, le Brésil. Hein. Ça va finir... Parce qu'en fait, le groupe majoritaire va imposer ses vues. Alors, actuellement, le groupe majoritaire, on le tient encore un peu. Mais imaginez maintenant un pays, on va dire la France, où en fait, le groupe majoritaire, c'est... Voilà, on va dire c'est des Arabes qui sont bien sûr à 99% musulmans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les lois vont rester telles quelles? Est-ce que vous allez pouvoir maintenir votre mode de vie? Est-ce que vous allez pouvoir juste... continuer à survivre, à vivre. Est-ce que vos enfants seront en sécurité? Est-ce que votre peuple va rester comme ça parce qu'ils vont être gentils, ils vont nous laisser quand même... Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Je vous pose la question. Alors les gauchistes, ils vont dire oui, mais ça va bien se passer, on va vivre ensemble, oui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors citez-moi un seul pays où ça se passe bien, le fameux vivre ensemble. Ça par étape, quoi. Il y a l'étape 1 actuellement à la France. Étape 2, le chaos, c'est le Brésil. Et puis l'étape 3, c'est Haïti, en fait. Il n'y a pas un pays, seul pays au monde, ou l'Haïti ou l'Afrique du Sud, hein, comme vous voulez, où finalement, à la fin, ça finit pas en grand n'importe quoi. Il n'y a plus rien, en fait. Ouais, t'as dit quoi, 2044, c'est ça? Pour les États-Unis, ouais. Je ne sais pas pour la France, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques, ouais, raciales, hein, bien sûr. Ouais. Ça va faire quoi? C'est pratiquement un siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on pourra dire vraiment... un siècle après la fin de cette guerre, on peut vraiment assister, ben, c'est la mort du continent et la mort du monde blanc. Et ben, d'ailleurs, en faisant un peu des références historiques, ben, les Allemands, ils avaient un peu vu justement, tu avais toute une presse qui, de façon involontaire, avait prophétisé justement que dans un siècle, dans les années 30, dans les années 20 ou 30, ils avaient prophétisé que ben, la France, dans un siècle, allait être complètement remplie de nerfs. Noir. Que ben, les Blancs allaient être comme des sortes de d'attractions de parcs zoologiques, on va dire. Donc voilà, vous trouvez des caricatures à ce sujet où il y a aussi des dessins qui dénoncent cette négrolatrie des Français, notamment ben, dans les Jeux Olympiques, etc. Parce que même dans les années 20, tu avais déjà des athlètes français qui étaient nés. Noir. En fait. Donc voilà, donc, toute cette négrolatrie des Français, ça date pas d'hier, hein, franchement. Les Allemands avaient déjà vu tout ça, quoi. Il y a plus d'un siècle. Here comes a new challenger. On en parlait il y a environ une heure, je vous l'annonçais, donc Longinus a été libéré et il est à nouveau parmi nous. Longinus, comment ça va ? Bonsoir à tous, bah, ça va très bien. Écoutez, apparemment je tombe à pic, on va pouvoir... Ouais, on va s'occuper apparemment du sexe, qu'est-ce qu'on dit, le sexe faible, c'est ça ? Le sexe médiocre. Ouais. le mauvais sexe. Parce qu'en fait, il y a un problème. Donc, je te pose la problématique qu'on a soulevée il y a quelques secondes. Hein. C'est qu'en fait, la civilisation est en train de s'écrouler. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de natalité. Mais en échange, il y a Marie Chantal qui est contente parce qu'elle peut faire une carrière, elle ne veut pas faire de gosse. Donc, tu pèses le pour et le contre, on y gagne ou on y perd au change là. Bon, on va déjà commencer par une chose très très importante. J'ai fait récemment un petit peu le calcul de l'avortement. Alors quand toutes ces femmes vous parlent, soi-disant que les hommes font les guerres, bon, généralement la politique c'est la guerre. Et c'est nous souvent, c'est généralement les hommes qui allons faire la guerre, les femmes sont inutiles de toute façon. Et finalement, je suis arrivé au calcul du nombre d'avortements. Alors, mesdames, je vous préviens tout de suite que vous êtes les plus grandes responsables du plus grand massacre d'innocents, parce qu'il n'y a pas plus innocent qu'un enfant à naître, qu'un enfant, de l'histoire de l'humanité. On en est à... Alors, entre 2010 et 2020, l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'il y avait 73 millions d'avortements par an au monde. Sur 10 ans, ça fait 730 millions. Ça y est, c'est fini, c'est au tour de M. Cohen de parler. Allons-y, les chiffres. Attends, deux secondes. Allons-y, les chiffres. C'est bon, le continue est bon. Donc, vous imaginez que l'avortement a été mis en place par le communiste en Union soviétique en 1920. On en est aujourd'hui, après un peu plus de 100 ans, on en est à plusieurs milliards, possiblement, d'êtres humains, d'innocents qui ont été tués. Donc, quand ces femmes nous disent que non, mais je veux pas d'enfants, mais par contre je veux faire une carrière, et qu'est-ce qu'on se constate, que ces femmes finissent avec des chats, toutes seules, du coup, à écumer les bars ou vider des bouteilles de vin, parce qu'elles ont fait leur carrière, et la femme étant hyper gamme, lorsqu'elles vont vouloir être avec un homme, elles veulent un homme du même stature, le même niveau social qu'elle. T'es gentil là, même statut. Non, elles veulent bien plus. Non. Elles ont des exigences qui sont complètement dingues, donc elles finissent seules. Elles vont avoir de l'argent, très bien. On a eu le cas récemment, je crois que c'était quelqu'un qui est en Suisse. Une chanteuse. Elles veulent un Brad Pitt de 1m90, milliardaire, très drôle. Et les abdos. c'est les 666 de l'enfer, comme disait l'anglais. C'est six pack. Un salaire à 6 chiffres et 6 feet tall. Voilà, c'est 1m90, c'est exactement ça. Et résultat des courses, eh ben, elles n'en trouvent plus personne. Donc la natalité est en chute libre. Il y a récemment des hommes qui ont infiltré... En berne. C'est même plus en berne, là. C'est une chute libre dans le gouffre, dans l'abîme. Il y a des hommes qui ont infiltré justement tout ce qui est les conférences, du planning familial, avortement, etc. Ils se sont rendus compte que non seulement elles vendaient les parties des enfants qui avaient été avortés, donc tués, massacrés, mais que c'était que des femmes, les médecins qui faisaient ça, que des femmes. C'est-à-dire que vous laissez les femmes libres de faire ce qu'elles veulent, elles tuent leurs enfants et elles se prostituent soit vers la pornographie, soit vers OnlyFans, qui est exactement la même chose. Voilà ce qu'est la libération de la femme, la prostitution et le massacre des innocents. Quelle entrée en matière dans les truands de l'Angélus, là. Donc effectivement, les talibans, et nous, on va devoir commencer à ouvrir, je pense, une antenne diplomatique avec les talibans, voir un petit peu comment ça se passe. Je ne plaisante pas, récemment j'ai dit à ma femme, je crois qu'il faut enlever le droit des femmes. Elle s'est mise à me regarder, s'est mise à pleurer. Vous êtes un gentleman, Longinus. Non, mais les talibans ont plein d'abus, mais sur cette question du fameux droit des femmes, si par le droit de vote, évidemment, les femmes. Moi, je ne suis pas pour le vote en général, mais en théorie, bien sûr, évidemment. Que... Bah, le vote, si tu veux, le problème, Bobby, le vote, la politique, c'est aussi la guerre. C'est-à-dire la diplomatie, c'est la guerre, c'est tout ce qui tourne autour de ça. Donc, donner le droit de vote déjà aux femmes alors qu'elles ne vont pas aller se battre. C'est non, déjà c'est non, déjà pour commencer, parce que c'est pas elles qui vont être envoyées au front si jamais il y a une mobilisation générale, ce sont les hommes. Alors, je parlais fait, elles vont voter pour que toi t'ailles au front. Voilà. C'est ça, parce que là, je regarde des trucs délirants, on a deux femmes qui se parlaient dans un podcast qui disent oh, c'est aux États-Unis, on a besoin de vrais hommes, on va renvoyer les hommes à la guerre, ils vont venir, on aura de vrais hommes. Alors, s'il y a des hommes qui reviennent à la guerre. C'est le podcast qui s'appelle Whatever. C'est pas si c'était sur Whatever ou un autre, en tout cas. Si les hommes reviennent après avoir fait la guerre et qu'ils voient des femmes comme ça, ce qui va se passer, c'est les mecs soit ils vont se suicider, soit ils vont être tellement vénères qu'ils vont commencer collectivement à leur foutre des paires de claques dans la figure. C'est d'ailleurs pour ça que, en partie, pour que Trump a été élu. Hein. À cause de tout ce qui était le wokisme et les femmes, qui sont généralement le fait les vecteurs du wokisme, c'est les femmes. C'est d'ailleurs, si vous lisez 1984 d'Orwell, ce sont via les femmes que cette dictature mondiale est mise en place. Et c'est elles qui font la censure. C'est généralement quand... moi, j'ai déjà eu des petits déboires au travail à cause de ça. Qui c'est qui va le premier se plaindre au RH, vous faire condamner? Ce sont les femmes. Oh là là, les RH et les femmes, il faudrait écrire des bouquins là-dessus, hein, des encyclopédies, mais il y a de quoi faire. Hein. C'est tout un truc. Hein. Vous savez, comme dans l'armée, en fait, c'est pas le colonel qui abuse de son pouvoir, en fait, c'est le petit caporal. Quoi. Et là, c'est quelque chose, en fait. Là, c'est la même chose avec les femmes en entreprise. Quoi. Madame a un petit pouvoir... De RH, là, c'est la fin du monde. De toute façon, les femmes en entreprise avec les hommes, c'est pas possible. Moi, j'ai testé, non merci, c'est la cacophonie. Parce que les hommes se comportent différemment, parce que les femmes abusent de leur pouvoir, parce qu'on peut rien leur dire, parce que la loi est de leur côté de toute façon. En fait, vous partez, vous êtes coupable, et peut-être que vous arriverez à prouver votre innocence. Et la femme, par définition, attention, elle dit la vérité, elle est sainte. Voilà. Plus tous les cas de imaginaire là, de harcèlement, d'abus sexuels, de machin, où en fait la femme elle n'arrive pas à avoir son augmentation, donc elle va faire un petit peu de chialerie et puis des menaces à peine voilées, et puis elle aura son augmentation parce que le patron il peut pas prouver qu'il lui a pas dit tiens, si tu passes sous la table il va se passer ça et je te donnerai des cadeaux quoi. Donc lui il veut pas les emmerdes, il est marié, et puis même si la nana elle peut rien prouver, ça lui bousillerait sa famille, donc voilà, il va lâcher du lest. Voilà, tout un cas fait comme ça. Les mêmes cas qui font que le même chantage avec les femmes qui veulent obtenir la garde des enfants. Donc maintenant, c'est devenu une coutume, c'est réglé maintenant. Elles vont dire, oh bah en fait le père il abuse des enfants. Voilà, aucune preuve, rien du tout. Peut-être qu'elles vont essayer de bourrer un peu le mou aux gamins, les manipuler quand ils sont bien petits. Des fois, ça peut passer une fois sur deux. Même s'il y a rien à prouver, ils vont dire ça. Et le juge. La juge, c'est réglé, hein. la garde des enfants pour la dame. Puis monsieur, vous êtes gentil, hein, vous donnerez quand même entre la moitié et deux tiers de votre salaire pour madame, hein, en pension alimentaire, parce qu'elle doit s'acheter des chaussures. Ouais, c'est ça. Alors, vous vous souvenez, je ne sais pas si beaucoup de nos éditeurs connaissent ça, il y a eu le cas aux États-Unis qui a commencé en fait le BLM, tout le Black Lives Matter, enfin cette espèce de truc de gauchiste là, et de suprémaciste noir aux États-Unis. En fait, il y a eu en 2006, il y a eu un cas qui s'appelle, c'était le collège Lacrosse, où des joueurs de football étaient apparemment avec une stripteaseuse noire, et la stripteaseuse noire les a accusés de viol. Et donc, on en arrive 18 ans plus de voix. Oui, 18 ans plus tard, elle a finalement avoué qu'elle avait menti. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces hommes? Donc ça a déclenché le BLM, ça a déclenché aussi que Obama a changé la loi pour que automatiquement, je crois que c'était la section 8, que automatiquement les femmes soient crues en cas d'agression sexuelle. Avant, elles devaient apporter les preuves. Bah oui. Donc automatiquement aux États-Unis, une femme, si elle vous accuse de viol, elle est crue automatiquement. Je ne sais pas s'ils vont changer cet article, je l'espère, je vais regarder ça. Mais globalement dans le monde, si une femme vient se plaindre de vous, automatiquement elle est crue et c'est vous qui allez être emmerdé. Généralement les RH sont des femmes, et les femmes elles se sont toujours en compétition les unes avec les autres. Il n'y a pas pire ennemi pour une femme qu'une autre femme. Par contre, elles savent être solidaires. Il y a voir un peu cette sororité entre elles lorsqu'il s'agit de descendre les hommes. Donc moi, j'y ai eu affaire. Et avec toutes les femmes dans lesquelles j'ai travaillé, rares sont les femmes au travail avec qui vous pouvez rire de tout et avec qui vous pouvez vraiment travailler et avec qui il n'y a pas de prise de tête. La plupart du temps, c'est des emmerdeuses. Elles sont mauvaises dans leur boulot, et si vous dites la moindre chose de travers, alors là, attention, Léa, la sanction des RH. Voilà. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté en live. J'ai eu le droit à ça. Je sais ce que c'est. Après, on se demande... tu dis que les femmes font moins bien le boulot, mais après, on se demande pourquoi elles reçoivent moins de salaire que les hommes. I want to get paid the same as a man, and I think you understand that. So, if you become president... Will a woman make the same as a man? And do I get to choose what I do with my body? You're going to make the same if you do as good a job. You're going to make the same if you do as good a job. And I happen to be pro-life. Et c'est intéressant cette loi que tu as dit que une femme doit être connue sur parole dès qu'elle porte plainte, etc. Bon, je sais pas. Après, aux États-Unis, c'est un système fédéral. Donc, je sais pas. Certes, il y a des lois fédérales, mais après, ça, je crois que ça varie d'un État à l'autre. Quoi. Donc peut-être dans des États plus conservateurs, genre le Mississippi, peut-être il y a plus de restrictions à ce sujet-là, mais ça reste à voir, je pense. Et puis, sinon, pour revenir au droit de vote des femmes, c'est quoi la vision politique des femmes tant qu'elles peuvent consommer, s'habiller en mini-jupe et tuer des enfants dans leur ventre, tout va bien, quoi. Il y a absolument pas de sens de bien commun, de l'intérêt général qui vient avant l'intérêt particulier, c'est toujours moi, et puis voilà quoi. C'est ça, la nature est complètement inversée en fait. Elles refusent leur nature par fierté, donc le péché de fierté est le premier des péchés, celui qui a fait tomber Satan. Elles ne veulent pas servir leur rôle traditionnel, elles le refusent, elles veulent absolument pouvoir vivre et jouir comme elles veulent. En passage, en se détruisant, puisqu'une femme qui a plus que 7 partenaires sexuels aura seulement moins de 20% de chances de lier une relation à long terme. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça vient des États-Unis, mais ça vient partout. Tous les pays du monde sont touchés par ça. Des États-Unis au Japon, en passant par l'Ouest, en passant par les pays d'Europe centrale, les pays de l'Est. Tout le monde est touché par ce... Même la Chine est touchée aussi par ce problème de femmes qui ont des exigences tellement énormes que les hommes disent « Bon, vous savez quoi ? Non. » Parce qu'en Chine, vous devez payer une dot, comme on faisait un petit peu à l'époque, avant que c'était les parents de la mariée qui payaient ça aux mariés. Là, c'est l'inverse. C'est le mari, le futur époux, qui va payer une somme à sa femme. Comme les temps sont difficiles, les femmes demandent des dots monstrueuses. La famille demande des dots monstrueuses. Des hommes font, vous savez quoi ? Non. Et en plus, elles ont des exigences monstrueuses. Et c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un mariage sur deux. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais je le répétais, c'est important. C'est un mariage sur deux quasiment qui se termine en divorce. Dans 80% des cas, c'est la femme qui initie le divorce. Et, ça monte jusqu'à 90% si la femme sort des universités. En gros, de la machine propagandiste woke que sont devenues les universités qui étaient prestigieuses avant, les universités américaines. Ah, si vous êtes parent d'une petite fille... faut pas l'envoyer à l'université quand elle sera grande. Hein. Ça, c'est... Franchement, envoyer des femmes dans des écoles, mais enfin, Boko Haram, quoi. L'école, c'est haram, je suis d'accord avec ce principe. Non, mais c'est... Arrêtez, pourquoi faire des femmes, même non, les jeunes garçons... Boko, c'est book haram. En fait, c'est les livres sont péchés en dehors de celui du Coran rédigé par Dieu. Mais tel qu'on le voit actuellement, les grandes universités, etc., ne servent quasiment plus à rien. Combien de connaissances j'ai vu autour de moi qui avaient fait des études pour soit ne pas trouver un travail, soit finir avec un salaire, ils avaient du mal à augmenter, soit ils ont vu une partie de leur domaine se faire délocaliser, parce que la France n'est absolument pas compétitive, avec toutes les taxes que nous devons payer, nous pauvres travailleurs, pour fournir à Mamadou et à Mohamed, pour qu'ils restent tranquillement le cul posé chez eux, on n'est pas très très compétitif, ça devient compliqué. Ou alors, les gens ont carrément changé, ils ont fait « Ah, j'ai fini les études, ouais, mais ça ne me plaît pas le travail ». Donc finalement, ils ont perdu tout plein d'années pour rien. Et aujourd'hui, les universités, on se regarde même Polytechnique, ils sortent tellement des individus qui sont complètement hors sol. Bonsoir, monsieur de Lesquin. Que de moins en moins d'entreprises les recrutent. Parce qu'ils ont vu, en fait, ça ne veut plus rien dire, les diplômes. Moins vous envoyez vos enfants aux grandes écoles, plus vous faites de vos enfants des travailleurs qui sont capables de travailler avec leurs mains, des maçons, des plombiers, ils vont bien gagner leur vie, ils pourront faire plein de choses à côté, et seront infiniment plus utiles à la société que des trous du cul qui sortent de l'université ou de je ne sais quelle université ou faculté qui ne sert absolument plus à rien. Je vais élargir un peu la discussion tout de suite, alors on reste sur le même thème. Hein. C'est juste que je voulais absolument partager cette info avec vous pour montrer que le féminisme, en fait, il ne s'arrête pas aux portes du Vatican, et bah, pas du tout, c'est tout l'inverse. Est-ce que vous avez vu cette info, comme quoi il y a une femme qui a été, donc, par François, hein, qui a été placée à la tête, en fait, elle est devenue préfète au Vatican, c'est une première. Je crois que son titre complet, c'est préfète du dicastère pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, enfin un truc pas possible. C'est quand même quelque chose qui était, ça n'était jamais fait. C'était une demi-surprise parce qu'il y a eu un tas de déclarations où est-ce qu'il fallait mettre de plus en plus de femmes à des postes à responsabilité et tout. Tout ça pour une raison en fait, purement comptable. Et moi, quand je lis ça, ça fait le lien directement avec ce qu'on disait auparavant. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'aurait dit Saint Paul sur ces femmes qui enseignent comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Dans la tête d'un moderniste, comment est-ce qu'ils arrivent? Je comprends pas. Ça me fait penser un petit peu aux femmes savantes de... C'était qui a écrit ça? Molière. Molière, hein, c'est à peu près la même chose. Ben, on il y a les précieuses ridicules aussi, il y a beaucoup de références. C'est ça, en fait, parce que là, on en est rendu au stade où il y a la féminisation de la société qui passe à tous les niveaux. Les hommes sont recadrés, on veut absolument, on est recalé partout. Ces femmes apparemment ont toujours cette obsession, enfin les féministes finalement ont cette obsession de détruire le patriarcat et de s'emparer de tout lieu qui n'est pas ouvert aux femmes. D'où ce que font les modernistes actuellement. Les modernistes sont toujours dans l'optique, encore une fois, de destruction de l'Église. Ils vont encore contre le magistère, encore une autre fois. Donc combien de temps? Que ce soit Civitas, que ce soit la fraternité, que ce soit tous les autres trous du cul, excusez-moi pour mon terme, parce que là ça commence à me fatiguer, qui tournent autour de tout ça, qui vont être capables d'accepter qu'il y a, nous avons une secte qui a pris le contrôle du Vatican et qui est en train, petit à petit, mais toujours en avant, détruire par le scandale, par les oppositions magistères, toujours dans la même volonté de destruction de l'Église catholique pour l'ouverture, je ne sais pas, bref. Et ça passe toujours par les femmes, c'est sur les femmes. Pousse, on n'a plus la peine de mort, non, parce qu'il faut aimer son prochain. Toujours l'amour, c'est-à-dire qu'on utilise l'amour qui est complètement aujourd'hui, qui a complètement déraillé, en fait. C'est la notion d'amour, de charité, normalement, qu'on a pour sa famille. C'est-à-dire que les femmes, normalement, toujours, l'amour va toujours pour les enfants, la famille, etc. Aujourd'hui, c'est complètement dévoyé, puisque les femmes, aujourd'hui, sont sorties du foyer. Catin, excusez-moi. Ce que disaient les Grecs, hein, toute femme qui sort du foyer est une catin. Effectivement, ils ont bien raison, quand on voit aujourd'hui comment ça se termine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent des positions d'autorité pour pouvoir continuer à pousser leur message, soi-disant d'amour, etc. Parce qu'elles veulent l'égalité aux femmes, elles ne sont absolument pas capables de comprendre. Ce que nos auditeurs doivent comprendre, les vrais amoureux, les vrais romantiques, ceux qui sont réellement capables du sacrifice de leur vie, eh bien ce sont les hommes. On nous a menti. Moi, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, surtout depuis que je connais les chiffres de l'avortement, ça m'a scié. Ça m'a assis quand j'ai vu les milliards d'innocents qui ont été tués. Bah, elles n'ont pas de principe de responsabilisation très poussé, les femmes. Donc évidemment, leur taux de responsabilité est un peu plus moindre, si bien que dans l'affaire Adam et Ève, Ève est la principale source et en même temps, le premier problème, c'est Adam qui a manqué de fermeté à ce moment-là. Et donc ici, c'est un peu les deux modèles de femmes, parce qu'au moins, d'Ève à Marie, on va dire, c'est un peu la femme chrétienne. Ève fait une erreur, elle se rachète, elle se sacrifie, elle enfante, elle fait sa vie et elle s'est, on dirait aujourd'hui, casée. Le problème de la femme, c'est qu'elle voit que le bien du foyer, ou si elle ne voit pas ça, c'est qu'elle ne voit que le bien de son nombril. Donc là, il n'y a rien que l'on puisse construire, alors qu'au niveau du bien commun, au niveau de l'agir dans la cité, je veux dire, là, c'est sûr que c'est qu'avec les hommes que tu vas pouvoir le faire. Donc, il faut que ces hommes aient des foyers, mais aussi une certaine autonomie. Sinon, ça n'est plus possible. Et alors, nous, on veut bien que... Bah, ce qu'on demande aux femmes, et c'est pas beaucoup plus, c'est de faire un peu les princesses, c'est bien qu'elles se fassent désirer, etc. Sauf que là, elles conservent ce fait de faire les princesses, alors que ce sont, pour une grosse part, des grosses putes. Et ça peut même aller Alors que ça peut même aller jusque dans nos milieux, je parle pas que de politique, hein, même religieux, etc. Donc ça va très loin. Faites hein, les princesses, il n'y a pas de problème avec ça, mais ne soyez pas derrière ce qu'il ne faut pas être. Voilà. Donc, ouais. Bon, nous, après, la responsabilité des hommes est un peu plus grande, dans le sens où ça ne dépend pas que de nous, parce que là, on fait face à un océan de harpies, etc. Donc ça rebat un peu les cartes, mais il faut vraiment que l'on soit ferme et que l'on n'engage pas les débats avec une femme. C'est les débats démocratiques, déjà, c'est de la daube. Alors, les débats dans le foyer, au secours, on s'impose. Ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Ça fait mal à soi-même, à elle et à tout le monde. Quoi. Exactement, parce qu'elles prennent toujours ça de façon émotionnelle. Moi, quand j'ai dit ça à ma femme, ça l'a assiée, s'est mise à pleurer. Tu me respectes pas. Non, c'est pas ça, tu comprends pas. J'ai des arguments à apporter, mais elles ne veulent pas entendre ces arguments-là. Même si elles voient les choses et qu'elles le comprennent, elles ont du mal à les accepter puisque on leur a donné soi-disant la liberté parce qu'on a cette légende. C'est le péché d'Ève aussi. Hein. T'as les oui, c'est ça. Hein, c'est la moderne liberté, qui joue, mais en fait, même sans les lois modernes, elles ont un problème. On aime nos femmes. On veut qu'elles restent pures, on veut qu'elles restent belles, on prend soin d'elles, on se sacrifie nous. Elles sont les ministres de l'intérieur, nous le ministre de l'extérieur. Voilà, c'est comme ça souvent qu'on est. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Elles sont là pour s'occuper du foyer, mais on est là pour pouvoir fournir, et on veut les protéger du monde extérieur, parce que le monde extérieur est devenu complètement déréglé. On ne veut pas de Cassandre, on ne veut pas de, comment elle s'appelle, Thaïs Escuffon, on ne veut pas de ces femmes-là. Non, mais on ne veut pas de ces femmes-là. On ne veut pas de Virginie Vota, putain. Ça suffit, ces espèces de catins qui amènent les autres, qui font un rôle qui n'est pas le leur, qui en plus perdent la foi, et qui racontent des conneries parce qu'ils ont été capables de lire un bouquin. Non, c'est pas ça, tiens le sac, je tiens le sac de boxe, Longy, vas-y, tu peux y aller, je tiens le sac. Pour expliquer, parce qu'en fait, cette femme qui n'a jamais pensé, tout court, le en fait, Picasso toute sa d'Internet, vie, à Picasso, parce qu'elle a quand même un petit problème de parallélisme comme ma bagnole. Bah, disons qu'elle est jolie de profil, mais de face, ouais, le lundi, elle me fait un sourire, le vendredi, je cours toujours. Elle hein. Aussi le maquillage, Picasso. Mais... Non, il y a un problème. Voilà. Bref, ça, c'est encore ça la regarde. Mais bon, elle a essayé de développer un concept de. Femme catholique qui ouvre sa bouche, donc ça c'est inconciliable. Elle a fait du beurre là-dessus. En prenant du pognon, toujours, hein, ça c'est la trame globale, hein, toujours en prenant un peu de pognon avec les simples là, qui vont me donner des trucs sur Tipeee. Elle vendait des choses, elle faisait des. Elle vendait je sais plus trop quoi. Là, bon bref, c'est des gens-là qui sont intéressés par l'argent, et bon, les femmes et l'argent, vous savez. Hein, c'est un peu comme les juifs et l'argent. Hein. Vous n'allez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les juifs et l'argent, ça n'a rien à voir. Et donc ensuite, elle s'est dit quand même, attention, je suis quand même anti-féministe, elle fait du beurre, hein, comme ça, en essayant de faire croire aux simps qu'en fait, il y a une chance. Alors les simps, ils sont aussi chez les cathos tradis, parce qu'en fait, sur 100 personnes, en fait, t'as quoi, t'as 95 mecs, et puis t'as 5 nanas, donc forcément, les 5 nanas qui sont dans l'eau, elles en peuvent plus, quoi. Elles se prennent pour des princesses et tout, regardez comme je suis belle et tout, non, c'est parce que t'es dans un milieu... En fait, il n'y a pas de compétition. C'est pour ça que tu te crois, je sais pas trop quoi. Mais sinon, t'as pas beaucoup de valeur. Il faut descendre un peu sur terre. Et donc, elle fait du beurre avec les simps. Regardez, je suis anti-féministe, je suis la femme tradie, la tradwife, tout ce qu'on veut. Et puis là, elle a fait un petit salto, là, salto pirouette. Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais je me suis trouvé un mec, et puis j'ai eu un gosse. Et donc maintenant, bah, elle a eu ce qu'elle voulait, tu vois. Donc, elle a eu le pognon avant, la notoriété, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, c'était pour avoir sa petite notoriété. Au fait, je ne vous ai pas dit, maintenant, je suis un peu féministe. Voilà. Et ça parle de charge mentale. Ça, c'est un terme féminisme. Ça se plaint parce que les hommes, ils sont privilégiés, le patriarcat, les machins. Donc, en fait, changement de décor. On inverse tout. Enfin, demi-tour, 180 degrés. On inverse tout ce qui a été dit auparavant. La femme, le lundi, elle te dit noir. Le mardi, elle te dit blanc. Et le mercredi, elle te dira noir, blanc. Ces gens-là sont des girouettes puissance 1000, quoi, pire que Jean Robin. C'est pour ça que se fier à une femme, pour moi, je trouve que c'est une sottise, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle a mérité quand même un petit crachat, c'est bien mérité pour l'ensemble de son œuvre. Donc Longinus te soutient dans cette croisade tout à fait honorable. Je ne dis pas non plus que c'est le rôle naturel des femmes, ni que toutes les femmes devraient avoir des enfants. Et je trouve formidable que la parole se libère autour des difficultés maternelles, autour des violences obstétricales, je le répète, autour du regret maternel aussi, et de ces sujets qui sont rendus tabous. Je ne sais pas si c'est par un système dit patriarcal, Mais en tout cas, il y a effectivement un système qui cherche à faire entrer les femmes dans certaines cases, des rôles qui sont un petit peu étroits aujourd'hui. Ah, chérie, aujourd'hui, je suis allée faire les courses avec Stéphanie. On est allé acheter des robes et des soutiens-gorge. Alors, on a... Oh, regarde, j'ai acheté cette robe verte. Oh, tu conneries, hein. Dis donc, hein. Ah, il me va bien. Ah, mon amour. Oh là là, moi, j'ai du mal avec ce régime. J'en peux plus. Oh là là, il faut pas manger de féculents. Il faut pas manger de sucre. Il faut pas manger de graisse. Je sais plus, il faut manger que des légumes. Mais attends, mais ça va, je vais me transformer en endive si ça continue. Ah, moi, je suis là parce que toi, t'as la peau un petit peu déshydratée quand même, hein. C'est pas comme Stéphanie, hein. Avec elle, elle passe son temps dans les centres esthétiques. Bon, de toute façon, son mec, Gilles, tu sais, il a dit qu'il fait tout le temps du foot, il est toujours absent, etc. Non, aujourd'hui, je peux pas te voir parce que je fais du foot, etc. Ouais, non, je peux pas jouer avec le foot, même pas de ketchup. La moutarde à la rigueur, mais la moutarde, c'est dégueulasse. Tu vois bien qu'il est pas sportif. Alors, et la moutarde au chocolat, c'est encore pire. Alors, moi, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? À chaque fois qu'il disait qu'il allait au foot, en fait, il était avec sa maîtresse. Mais pour revenir à ce qu'elle disait, vous avez vu, en fait, c'est comme si, bon, toute femme qui est sur les réseaux sociaux, ça se termine mal, surtout en plus si elle se met en public. Voilà, c'est lire des articles, c'est une chose, mais faire des vidéos pour expliquer, avoir des gens qui vous suivent, elle faisait cette vidéo pour leur expliquer. C'est aussi une façon de se confesser, parce que quand en fait elle était en train de dire la société est plus orientée vers le patriarcat, les femmes pendant doivent assumer la grossesse toute seule, bah oui, excusez-moi, c'est pas nous qui portons l'enfant. On peut vous aider, mais on a des limites quand même, hein. On n'est pas là pour supporter toutes vos crises, on fait ce qu'on peut nous aussi de notre côté, on a bien d'autres choses aussi à gérer. Attends, vivre au quotidien avec une femme, je peux te dire, c'est une putain de charge mentale. Il faut être costaud. Mais oui, c'est vrai, ça c'est pas faux. Et ensuite, elle disait, donc la charge mentale, elle disait qu'effectivement, c'est la femme qui doit gérer toute seule le post-partum. Ben oui, oui, vous êtes des femmes, donc nous on ne comprend pas non plus toujours vos émotions, on fait ce qu'on peut, voilà. Bon, en gros, elle reproche très clairement des choses à son mari. Voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, cette projection qu'elle fait. Simplement, elle l'a vécu, il y a des choses qui ne vont pas avec son mari, elle a besoin de s'en expliquer, c'était une façon, une catharsis pour elle, de pouvoir s'expliquer en fait. Je crois que c'est une catharsis, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est une manière pour elle de dénoncer certaines choses, je suppose, qui ne sont pas dans son couple. Donc la prochaine fois, on aura bientôt la série Vota. Virginie a divorcé, Virginie mère célibataire, et Virginie chez les féministes. Il y aura un glissement. Oui, bah, je crois que le glissement, il est plus ou moins. Il est bien suivi, entamé. Hein. Ouais, c'est bien savonné, ça glisse, attention. Mais encore si elle était célibataire et tout, ok. Je crois que tu dis encore si elle était belle. Non, pas du tout. Mais là, le pire, c'est qu'elle est déjà mariée et tout avec des gosses. Mais quel exemple tu donnes en plus à tes gosses, quoi. Mais voilà, alors attention, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle est partie. Elle a quitté la foi, qu'elle dit. Parce que en fait, elle prend la contraception parce que on a déjà eu un enfant. J'ai des problèmes de santé, je vais pas avoir un deuxième enfant. Il y a la chasteté, il y a les recours aux méthodes naturelles. Même chez dans les trucs tradis, etc. Dans ces cas précis de risque, on parle de risque de mort. Attention, on parle de risque. Je vais mettre du 38 à la place du 34. Je vais pas pouvoir aller au Macumba Club. Non, de vrais risques, etc. Je crois que t'as même des mecs qui disent ok, pourquoi pas dans certains cas bien précis. Mais en fait, elle va encore plus loin, c'est qu'en fait, elle dans ses vidéos de merde, hein, dans sa vidéo de merde, excusez-moi. En fait, c'est mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Donc c'est pas à la chercher à savoir le fin fond de la vérité théologique de Patauchnock. Non, c'est je fais ce que je veux, mon corps, mon choix. Poète, je m'en fous. Le dogme, je le prends. Finalement, ce qu'elle dit, c'est ah, en fait, quand t'es catholique, il y a des contraintes, ça m'ennuie. Donc, je suis plus catholique. Bon, voilà. C'est ça. Il n'y a pas de fidélité dans la foi. Il n'y a pas de persévérance. Parce que oui, être catholique, c'est dur. On tombe. Mais c'est pour ça qu'on va à la confession. C'est pour ça qu'on prie. Pour qu'on obtienne les grâces. Pour pouvoir continuer à avancer. Mais apparemment, c'est plus difficile, plus facile de toute façon d'abandonner et de montrer aux autres qu'on perd la foi. Et donc, de faire d'apostasier en public pour faire apostasier les autres pour qu'on se sente bien. Oui, tout à fait. C'est le Christ nous a toujours montré, en fait, c'est la voie étroite qu'on doit emprunter, et le diable veut toujours qu'on prenne la voie large et la voie de la facilité, etc. Donc, bien sûr que c'est pas facile, Les gens, ils se disent oh, parce que je suis chrétien, ouais, tout va être, je vais être heureux, tout va être pour le bon. Bah, non, non, la vie d'un chrétien, c'est dur. On doit porter notre croix comme le Christ l'a fait. Toute la vie d'un chrétien n'est pas tout rose, voilà quoi. C'est sûr. Il faut accepter de porter sa croix. Quoi. C'est ça le but. Et pour en revenir au diaconas. Non, mais il faut en revenir là-dessus. La préfète du Vatican. Oui, je vois pas vraiment de différence. Donc, elle est préposée au chiffon et au nettoyage, c'est ça? Non, ils ont créé un titre exprès. Je pense que ça manque un peu d'homme viril dans son entourage. Donc, on lui fait hélas pas trop comprendre. Non, mais c'est... Déjà le rôle de préfet, je sais pas, en temps normal, c'est quoi un préfet du Vatican? Genre, c'est quoi son rôle? C'est un rôle important, c'est un diplomate en fait. C'est quelqu'un qui va faire qui va proposer, alors peut-être pas dans son cas précis à elle. Je ne sais pas exactement c'est quoi les limites de son mandat. Probablement, c'est aussi le cas, mais je ne vais pas m'avancer, je vais dire peut-être pas. C'est quelqu'un qui va proposer des lois pour faire évoluer le droit canon. Alors, les mandamistes, ils adorent faire évoluer, tout. Ils font évoluer les dogmes. Ah bah oui, on y va. C'est comme un préfet aussi, que nous, on connaît dans la 5e République. Hein, c'est le représentant de l'État sur place. Quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... Lorsqu'il va à l'étranger, ok, le Vatican, c'est cette personne, quoi. C'est quelque chose, quoi. Super, les femmes et la diplomatie, ça va se terminer. Ah, vous êtes sexiste. Non, attendez, récemment, on n'a pas vu une Française qui est allée en Syrie rencontrer le nouveau gouvernement et surtout qui a accepté de ne pas se faire serrer la main. Hein. Donc c'est ces mêmes femmes, c'était une Française, je crois. C'est l'ambassadrice d'Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, bah c'est les mêmes choses. Qui a reçu le dirigeant là, le nouveau dirigeant de Syrie, ouais, qui a refusé de serrer sa main. Ouais. Il dit ah, mais il m'a pas serré la main, mais je lui ai pas donné mon joli sourire. Non, tu fais. Oui, voilà. C'est mêmes femmes qui vont demander à la tolérance et qui surtout ne faut pas critiquer l'islam. Par contre, toi, en tant qu'homme blanc, tu te défends parce que y a des gens qui sont violés, mais ils disent non, vous êtes raciste, vous êtes aisé. Bref, donc ça va être la même chose. Je m'attends à rien venant d'une femme à cette... peu importe qu'elle soit sainte ou peu, quelle est la foi, on s'attend à rien, à rien. Il n'y a rien qui va avancer, on est en plein dans une contradiction avec le magistère. Et il n'y a personne dans la chiassidence ou dans ceux qui nous attaquent, il n'y a personne qui dit « bon, on va peut-être arrêter le délire, on va freiner et on part dans une autre direction parce que c'est très clairement ça va dans le mur cette histoire. » Non, c'est toujours le pape qui a la tête, mais je sais pas comment ils arrivent à faire ces gymnastiques mentales parce que moi ça m'épuise déjà. Rien que d'y penser, j'ai mal de tête. Ah là, on peut remonter aussi à ce brave Bergoglio qui avait, c'était déjà plein en fait il y a plusieurs années de dire « Ah regardez, là et là, il n'y a que deux femmes dans la salle, il devrait y en avoir 10 fois plus, etc. » Mais en fait, on en voit les effets et cet article de presse là sur l'autre préfète qui a une tête de Marie Chantal, hein, elle est mignonne. Hein, sous le Troisième Reich, tu prends une petite claque pas trop méchante et c'est fini, quoi. Et donc là, ils disent, ouais, dans les stats, déjà, je sais pas, il y a 10 ans, ils étaient 19% les femmes, et là, ça monte vers les 24% et tout ça. Donc il y a un vrai travail de sape. À partir de ce qui existait déjà, donc ça va être des sœurs, etc., à qui on donne des rôles plus politiques d'un seul coup, en fait. Et Longy a dit, voilà, à chaque fois qu'il faut détruire, on amène les femmes. J'allais même dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est la consécrétisation que, voilà, la preuve que c'est dégénéré, en fait, c'est que tu donnes un rôle trop prépondérant à des femmes dans des activités enfin, carrément religieuses et politiques qui sont censées être aux plus hautes sphères, mais qui n'ont, comme tu le dis, Longy, pas de valeur. D'un point de vue catholique intégral, c'est à peu près 0,00%, etc. Mais les subit, quoi. Ça va contre l'enseignement de Père de l'Église. Hein, mais de toute façon. Justement, je te repose la question, Rex. Vraiment, dans la essaye de bonne foi, on va dire, t'es un moderniste, et on te dit, ouais, mais attendez, Saint-Paul, il a dit, on ne peut pas enseigner. Comment est-ce que tu peux défendre ça? Comment c'est conciliable, ces deux éléments? Bah, ils commencent à construire une espèce de dialectique, là, tous ces gogoles de diaconesse, Vatican et tout ça, de faire... les plus hostiles vont dire, allez, l'Église est patriarcale depuis le 19e siècle, elle s'est trompée, on écharpe un peu Saint-Paul et tout ça, mais va falloir écharper ces passages, je pense. Après, ils vont te dire, bon, Saint-Paul parlait dans son contexte ultra précis qui était quand même vrai, mais pour des raisons franchement autres, et maintenant on n'est pas influencé charnellement par les femmes, donc c'est bon. Dès qu'on est tous pédés, on n'est plus influencé charnellement, donc elles peuvent s'habiller un peu moins, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, ils vont faire de la sociopsycho à 2,50 balles pour essayer de te vendre le truc, parce que sinon, c'est... Enfin, le taux de cohérence est trop impossible à assumer. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Timothée 2,11. En fait, ils nous refont toujours la même recette, quoi. Tout doit évoluer. Ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui, tout évolue, et puis on met tout à jour. À chaque fois, il faut mettre tout à jour. C'est ça, c'est une mise à jour moderniste 2.0. Tout puis mise temps, à jour, c'est pas mise à jour à droite, hein, c'est toujours mise à jour à gauche. Hein. Bah, d'ailleurs, je disais, là il a raison, Longy, encore une fois, parce que Vatican II, on dit souvent avec le cardinal Swanens, Monseigneur Lefebvre l'a beaucoup cité, on dirait que c'est un 1789 dans l'Église. Donc moi j'aurais dit peut-être pas dans l'Église au sens surnaturel du Christ et tout ça, parce qu'on a, je dirais, elle peut pas errer, l'Église. Mais voilà, il y a un 1789 entre les murs du Vatican, et là, avec ce qu'on appelle cette synodalité bergolienne, on assiste en effet à un espèce de mai 68, là, carrément, où c'est une révolution sexuelle, où il y a des invertis qui sont bénis, où il y a des femmes qui commencent à administrer les rites, les structures, etc. Donc, et pas que entre elles, mais vraiment à administrer carrément des hommes. Donc, ouais, là, on a cette phase supplémentaire, en fait, de dégénérescence, qui va plus loin que la précédente, mais qui est aussi une continuité, quoi. Ouais, bah justement, Rex, tu fais bien de parler un peu de la question homosexuelle, les femmes, l'ouverture d'esprit, etc. Je sais pas si vous avez vu, on mettra le lien dans la description, un article du Figaro, dont le titre est « L'Église italienne ouvre sous condition la prêtrise aux gays ». Alors, ils ont dû oublier le point d'interrogation, je pense, parce que l'article, en fait, il est un peu plus nuancé que leur titre. Je vais lire que la petite intro. Hein. « Les jeunes gays italiens sont autorisés à devenir prêtres de l'autre côté des Alpes, mais pas s'ils soutiennent la prétendue culture gay, selon blablabla, tout en soulignant l'importance du célibat. Ces nouvelles règles entrées en vigueur jeudi entrouvrent la porte aux séminaires aux gays, sauf s'ils font de leur homosexualité un étendard, les condamnant de fait à cacher leur orientation sexuelle. » L'article continue un peu. Ils font référence à la fameuse loi dans la politique, dans l'armée américaine, du « don't ask, don't tell », où en fait les homosexuels n'auront pas le droit de parler de leur homosexualité, mais ils peuvent quand même rester dans l'armée, etc. Donc finalement, ils disent « ouais, c'était un peu déjà le cas, c'est ambigu en fait, hein. C'est un peu déjà le cas avant, mais ils n'ont pas le droit d'en parler, mais si jamais ils sont ouvertement homosexuels, là ça pose problème. Sous-entendu, s'ils sont juste homosexuels, et que ça ne sait pas, ils peuvent quand même entrer dans le séminaire. La question des femmes, la question des homos, en fait, elle est souvent liée, parce que c'est le relativisme imposé par les femmes qui font entrer les homosexuels. On a bien vu, justement, par rapport au premier sujet, quand on parlait du Rassemblement National, le nombre de tatas et de femmes qui, en fait, les hommes blancs hétérosexuels sont maintenant interdits au Rassemblement National. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et en fait, que ce soit au Vatican ou dans la politique, quelque part, la même dynamique sociologique s'opère. Et lorsque vous laissez des libertés aux femmes de faire des décisions politiques internes sur cette question-là, l'homosexualité, elles seront toutes à 99% sur la question de l'ouverture, la tolérance, etc. C'est extrêmement dangereux. Allez, bonne chance pour rebondir, Ludwig. Allez, hop. Ah oui, non, bon, je voulais juste revenir sur ce que disait Rex, effectivement, concernant ces passages de Saint-Paul, sur les femmes. Mais finalement, ils adoptent le même comportement que les protestants. C'est, voilà, il faut toujours remettre les passages dans son contexte, réinterpréter davantage les écritures pour que ça colle mieux avec le temps. Depuis Vatican II, il y a toujours ces principes qui ont été posés. Donc, il y a le principe de l'aggiornamento, donc toujours la mise à jour. Là, il y a toujours des constantes mises à jour, voilà, toujours des évolutions. Et puis le principe, voilà, d'ouverture sur le monde, comme si c'était l'Église qui devait s'ouvrir au monde et pas le monde qui devrait se rattacher à l'Église qui est la seule fondée par Dieu, etc. C'est, on a un poison qui a été injecté et qui se répand et qui détruit tout petit à petit. De scandale en scandale, les gens s'en écartent, ou alors il y a des gens qui quand même cherchent et qui vont dans la tradition. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ici, dans la tradition, on a la Fraternité Saint-Pilice, c'est la Fraternité Saint-Pilice qui est le plus gros, finalement, au niveau de la tradition. Est toujours mi-figue, mi-raisin. Et avec je trouve un peu dur, on va encore dire que je défends la frate. Sur ces questions-là de femmes qui enseignent ou d'homosexuels dans les séminaires, je pense qu'ils sont très fermes et qu'ils s'opposent là-dessus. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la défense que Bergoglio est le pape. Il continue à dire oui, mais on ne lui aboie pas. Non, évidemment, vous dites c'est pas possible. Là, en plus, j'avais vu passer une lettre, hein, je la retrouverai, qui justement parlait, c'était le pape Pie XI qui avait écrit cette lettre, qui disait que il confirmait tous les écrits qui ont toujours été faits, confirmaient bien ce que les pères de l'Église ont enseigné, que le magistère a toujours été respecté par les anciens papes, et il sera toujours respecté par les futurs papes, que personne ne peut s'en écarter. Il peut l'expliciter, mais on ne peut pas s'écarter de ce qui a été écrit, donc elle est contre le magistère. Alors là, ils ne vont pas contre le magistère, ils ont tout cassé, ils sont en train de tout réformer. Donc là, on a le protestantisme 2.0 qui se répand. Alors cette question des femmes dans l'enseignement, bon, on a déjà un peu parlé dans les différentes émissions, on vient de le refaire aujourd'hui. Et pour rebondir cette histoire de, par exemple, même de séminaire, maintenant on les censerait des prêtres homosexuels des candidats homosexuels dans les séminaires. Je vous mettrai l'article encore une fois dans la description, vous pouvez lire l'entièreté de l'article, vous savez que c'est un peu plus nuancé que ce que je viens de dire, mais en tout cas ça laisse penser que c'est ok en fait. Mais moi je trouve ça, c'est plus que dangereux, c'est suicidaire en fait. Hein. Dire c'est pas juste le candidat en question va taire son homosexualité et puis ça vient se passer, c'est juste il se met dans une position où en fait c'est dangereux. C'est pas une position qu'ils vont faire, c'est toutes les positions à ce stade-là. Non mais c'est plus que dangereux quoi. C'est comme si tu prends un alcoolique là, et puis le mec il a arrêté de boire, tu le balances dans un bar et puis tout le monde est en train de picoler, puis tu vas voir, il va ressortir, il va être sobre. Probablement pas en fait, hein. Bah, de toute façon, tu parles de femmes et derrière, tu as les efféminés qui arrivent. Le père Mathieu, est-ce qu'il est contenu dans les statistiques là, qu'on balance Rex là, il faut dire l'ex-non-père Mathieu, et il débat en ce moment même avec des protestantes féministes aussi flinguées cérébralement que lui, de toute façon. Ouais, bon, après, là, donc, tu fais référence à un truc d'actualité un peu de janvier, quand même mi-janvier, un truc comme ça. Et en fait, dès la mi-décembre 2023, là, même pas décembre dernier, encore avant, vous aviez le document Fiducia Supplicans qui avait été mis en avant par, je cite, le dicaster pour la doctrine de la foi, donc on va dire la structure pour la doctrine de modernisme de mes deux, etc. Donc anciennement l'Inquisition, en gros, pour faire simple. C'est vrai, anciennement l'Inquisition, maintenant l'Inquisition LGBT communiste, quoi. Et donc eux, voilà, il s'agissait déjà là de bénir donc, des couples homosexuels, et le document est toujours en effet d'un aspect mielleux, ce qui le rend d'autant plus insupportable et coupable, puisque il y a mais ça serait donc des homosexuels quand même, voilà, pas problématique, mais et en fait on ne sait pas ce qui est le problématique dans la phrase. Ce qui est le problématique, j'ai l'impression, c'est que si vous êtes au fin fond d'un village portugais, les paroissiens sont un peu homophobes quand même, ils sont un peu à l'ancienne, vous savez, ça existe encore à l'heure actuelle, donc voilà, si là ça crée un problème, en fait le problème c'est les gens normaux, quoi, et qui réagissent, le faites pas, mais si ça réagit pas, faites-le, quoi. En fait, je le comprends complètement comme ça, c'est en fait, allez-y, pourvu qu'il n'y ait pas trop de critiques, quoi. Ça a l'air d'être, t'as l'air d'écrire un peu McDonald's, là, hein. C'est venez comme vous êtes, en fait. Hein. C'est ça, mais tu faut pas venir non plus habillé en Hugo Boss avec le sigle SS et tout, parce que c'est quand même mal vu de venir comme tu es si tu es comme ça. Bah, toujours dans un seul sens, c'est bizarre quand même. Hein. Faut plutôt se mutiler le sexe et s'appeler Ginette et exiger que l'on te récite au canon de la messe, si possible en latin, Unacum Ginette, Ginetum. Ah bah, en parlant de ça, vous avez Le film Conclave, là, c'est Conclave que ça s'appelle, ce film, cette espèce ouais, de ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il me semble qu'à la fin, excusez-moi pour le spoiler, mais apparemment, celui qui veut les lire est un trans. Tu divulgâches, mais c'est non, ça, mais ouais, bon, c'est dans un film de woke. Alors, j'ai pas vu ce film, mais je suis un peu étonné de ce que tu racontes, parce que j'ai un ami qui l'a vu, et il est plutôt catho-tradi, et il m'a pas dit ça. Voilà, bon, à voir. Apparemment, ah, apparemment. En tout cas, c'est un film woke, ça c'est certain, et il trahit un peu ouais, l'espèce de crainte de voir sortir d'un futur conclave, en sachant que même Bergoglio est assez âgé maintenant, et pas en meilleur état de santé possible. Donc il craigne un peu le entre guillemets conclave tradi, qui en fait ne peut pas advenir véritablement dans ce cadre Vatican II. Vous savez, un homme sort toujours de son contexte, quoi. Si vous n'avez pas les squadristes le lendemain de la Première Guerre mondiale, etc., vous n'avez pas de Mussolini. Ce type d'homme n'existe pas collectivement, donc de la masse, on ne peut pas tirer ce type de chef. C'est propre à un contexte. Jean-Marie Le Pen, on ne le refait pas en dehors de l'histoire de France, voilà, des années 30, 90, etc. Là, c'est pareil, émanant même de conciliaires conservateurs, etc., vous ne pouvez pas avoir une espèce de pitraise super tradie, etc., mais c'est quand même leur crainte. Même, vous savez, tous ces... Même le cardinal Sarah est quand même assez... il connaît les choses en fait, parce qu'il a essayé de s'opposer, etc. Et au final, il revient tout de suite au bercail. Et en fait, ils sont pas méconnaissants, tous ces conciliaires conservateurs. Ils savent que c'est pas jouable, mais voilà, ils s'opposent pas. Donc, même à compter que eux prennent beaucoup de place, ça donnera pas grand chose. De toute façon, même s'ils croient vraiment à la foi ou des choses comme ça, ils valident les éléments clés de Vatican II, qui sont donc des problèmes d'œcuménisme, de collégialité et de liberté religieuse, etc., qui sont des hérésies, disons. Bon. Donc voilà, ils se font un film, les gauchistes, sur ces conclaves, etc. En tout cas, c'est vrai que ce qu'il nous faudrait, c'est un véritable pape et qui professe la vraie foi, ça c'est sûr. Mais il y a eu une série italo-américaine, je crois, double production, où il y a justement une espèce de faux pitraise qui arrive au balcon du Vatican et qui commence à dire qu'est-ce que nous avons oublié, qu'est-ce que nous vous avons oublié, oui, oui, la vraie foi, et là, il opérerait un retour. Mais même dans cette série-là que j'ai un peu suivie, il y a des éléments très modernes et un peu dégueulasses, où on voit pas mal de sœurs, justement, qui sont dans l'entourage proche, qui craquent des cigarettes, qui allument des clopes dans l'enceinte, comme ça, Vatican, et tout ça. Donc tous ces trucs semi-tradis qui ne sont pas du tout... voilà, quoi... Hein. Les gauchistes se font des peurs, un peu comme ils se font des peurs avec des films sur les zombies, quoi. Ouais, ils se font des peurs, ils se font des peurs. On arrive quand même bientôt au point de rupture. Enfin, bientôt, on est presque quasiment au point de rupture. Hein. Bientôt, la Sainte Inquisition va revenir. Et là, ils vont avoir. Comme je dis, les bûchers, on les verra de l'espace. Hein. Ça, c'est Laurent Glosi, alors. Qu'est-ce qu'il va en penser? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Saint Glosi va nous dire. Parce que si le bûcher touche le dôme, c'est compliqué. Il faudrait lui demander s'il y a le chauffage dans sa soucoupe volante. C'est une question que j'ai très envie de... Si jamais vous voyez une soirée dédicace Glosi, envoyez-moi l'invite s'il vous plaît. J'aimerais venir ça rencontrer, lui poser 2-3 questions, quoi. C'est d'ordre technique, quoi. Ouais. Il ne faut pas se poser la question si techniquement les soucoupes de Glosi existent, parce qu'elles, de toute façon, elles ont lieu, quoi, les soucoupes de Glosi. On parle de femmes, là, on parle de femmes, et si je me souviens bien, dans la religion odinique prônée par Oleg, il me semble que les femmes aussi sont extrêmement importantes, donc bientôt on verra peut-être Oleg au Vatican aussi, non? Tant qu'à faire. Non, parce que ce stade-là, c'est la foire à toutes sortes de folies, là. Non, mais ce type-là est complètement raccord avec le modernisme, il ne s'en rend pas compte parce qu'il lui crache dessus, mais en fait, sur le féminisme, parce que Jeanne d'Arc, c'était une Valkyrie. On va déjà pas commencer. Et d'ailleurs, dans notre dernier film intitulé « Templiers, Vikings et cathédrales », nous avions révélé ce qui est l'un des grands secrets du Vatican, qui était le secret des Templiers. C'est-à-dire que les Templiers et les cathédrales gothiques, Notre-Dame, étaient de religion odinique. Les cathédrales ne sont pas chrétiennes à l'origine. Ça, c'est quand même énorme. Et les Templiers, donc, travaillaient pour les Odiniques, ils étaient odiniques, même la plupart d'entre eux. Les femmes vikings se battaient sur les champs de bataille, donc là il est très heureux. Mais en plus, c'est historiquement, c'est faux. Hein. Mais bon, allez. Dans son imaginaire, parce qu'il a beaucoup d'imagination, ce garçon, là-dessus. C'est la série Viking, c'était sympa, mais c'est juste une série, quoi. Non, mais ces gens-là, ils vivent dans un monde parallèle, en fait. Ils vivent dans Hollywood. Hein. Ils se rendent pas compte que la réalité, tu fais un raid, même si c'est pour attaquer des moines lâchement, comme étaient un peu les Vikings, hein, tu fais un raid, quoi. C'est la guerre, on voit pas des femmes au front, quoi. Ça se passait pas. Surtout à cette époque, hein. Surtout à cette époque. Pareil sur le syncrétisme religieux. Les modernismes comme les fameux odiniques, ils sont complètement en raccord. Les néo-païens là-dessus, mais ils ont la même doctrine en fait, ils s'en rendent pas compte. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, les néo-païens, ils passent leur temps à dire ouais, regardez les chrétiens. Alors ils nous amalgament au modernisme parce qu'ils font pas l'effort intellectuel de comprendre la différence, mais en plus, ils font même pas l'effort de comprendre que finalement, ils ont beaucoup de points communs avec ces gens-là. Ouais, c'est un retour au paganisme en plus parce qu'on trahit le message de Dieu et qu'on prétend revenir à un espèce d'archéologisme des premiers chrétiens comme les protestants ont tenté de le faire en se cassant la gueule, quoi. Donc finalement, ils tentent à leur tour et ils se cassent la gueule. Donc finalement, ouais, tu fais très bien de les renvoyer dos à dos parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Même l'œcuménisme, les païens ont ce modèle-là qui va encore plus loin, c'est le syncrétisme. Si bien que tous les dieux romains sont en réalité des dieux grecs. Sauf certains, et voire même des fois ça peut être assimilé plus ou moins aux Égyptiens ou à d'autres encore, ou étrusques ou plus anciens, voilà, de peuples un peu, je dirais pas proto-indo-européens, mais voilà, encore plus vieux en Italie. Donc ils assimilaient un peu, ça fait un paganisme qu'on construit au fur et à mesure des conquêtes, des territoires qu'on a vus, des petits éléments culturels qui se bricolent et de la littérature à l'instant T, quoi. Donc bon, là c'est. Ouais, il y a des parallèles. Et puis surtout, n'hésitez pas à acheter ces bandanas pour chien. Et puis surtout, Jésus-Christ est donc le fils d'Oleg, le fils d'Odin, mais qui... Enfin, ouais, c'est compliqué. Et on peut dire poétiquement, allégoriquement, que l'alliance et le mariage entre Marie et Odin vont donner un nouvel enfant divin, vont faire revenir sur Terre Jésus et Thor. Non, ouais, ça devient compliqué là, vraiment. C'est compliqué dans son cerveau, quoi. T'as fait un petit lapsus, Jésus-Christ, le fils de Lag, etc. C'est pas vraiment un lapsus, hein, parce que sur son blog, ce cinglé de Lag, il raconte quand même qu'il est un peu une sorte d'Odin, quoi. Parce que lui-même, il avait été aveuglé, il a eu un accident, etc. Et il a été suspendu 7 jours à l'envers comme Odin avec son œil. Non, parce qu'il avait un problème d'œil et c'est son œil avait été paralysé, il a perdu la vue et 7 jours plus tard il l'a retrouvé. Bon, c'est de l'orgueil et c'est énorme parce que, je veux dire, vous prenez Homère ou un peu la mythologie grecque et tout ça, c'est quand même le héros mort au combat, c'est Hector, c'est Achille. Voilà, une fois qu'il a fait ses grandes actions, il meurt et une fois qu'il meurt, il est glorifié, alors on a l'impression que c'est un peu un demi-dieu. Sauf que là, c'est énorme, parce que Oleg, en fait, vous êtes en train de me dire, il se canonise de son vivant, quoi. C'est un dieu grec, enfin un dieu nordique. Un dieu nordique Ikea. Voilà, oui, mais de son vivant, il s'est auto-canonisé et tout ça, c'est énorme, quoi. Avec sa calvitie et sa barbe dégueulasse, là. Tu vois sa barbe, tu te dis, si je mets la main dedans, je vais choper le choléra, quoi. Non, et la femme berbère. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire, la femme berbère a peut-être le choléra, du coup. Ah, puis maintenant, puis retour en arrière, hein, parce que ça part de la pureté de la race, quand ça a 20-25 ans, ça le vend en poupe, et puis maintenant, il est devenu en mode antiraciste, parce qu'en fait, l'humanité, etc. Ouais, ces gens-là, non mais... Et ça, ouais, Vota, hein. Vota version... Ah oui, le problème avec ces gens-là, c'est pas qu'ils disent des conneries, mais c'est qu'il y a des gens pour les croire. Ouais, ouais, c'est ça. Non, puis ça fait du pognon, en plus, hein. Ça fait beaucoup. Ouais, on a ça, c'est ça. C'est, j'ai toujours dit que c'est un boutiquier, la même chose que Monsieur K. Ce sont des boutiquiers, c'est tout. À la fin du Moyen-Âge, on a parlé, via le père Ardouin, on a parlé de la fonction fabulatrice. Et en fait, c'était déjà une vérité qu'on avait découverte. Si vous parlez de vérité pure, éternelle, vraie, juste, etc., ça n'intéressera que les gens qui étudient, qui vont aller de fond en comble sur un sujet. Et ces gens-là, même à l'heure actuelle où tout le monde passe à l'université et je sais pas quoi, c'est une minorité qui s'y intéresse. Par contre, si vous balancez des potins, et même, voire surtout si ces potins sont complètement faux, là, vous allez faire des lecteurs, vous allez faire des vues. Alors lui, ce père Ardouin n'avait pas une chaîne YouTube à l'époque, le pauvre, il pouvait pas. Mais voilà, sur le papier souffrait déjà tout. Et on se rend compte que finalement, bah, ça marchait très très bien de raconter des délires dans tous les sens. Et, parce que voilà, c'est un peu inhérent à l'homme, les petites conneries. On aime bien ça. Et même nous, moi, ça m'amuse, hein, j'avoue, les potins ici ou là. Mais au-delà de ça, il faut quand même voir plus loin. Quoi. C'est bien de se marrer, mais un peu de sérieux aussi, s'il vous plaît. Oui, non, mais la gaudriole, c'est rigolo 5 minutes. On a tous besoin de rire. C'est bon pour la santé. Nous-mêmes, on fait des fois de l'humour gras. On a besoin de rigoler tout en traitant de sujets sérieux. Mais le problème étant, c'est que les gens... Ouais, moi, c'est... mais le problème, c'est que les gens préfèrent attacher beaucoup d'importance aux potins, ce que font vraiment d'ailleurs les femmes. C'est vraiment le truc que les femmes adorent, c'est les potins. Et plutôt que de se concentrer sur la vérité, parce que la vérité, elle fait mal, elle dérange. Il faut être capable de l'accepter, être capable de la prendre en plein visage. Les gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent les potins, ils préfèrent un mensonge réconfortant qu'une vérité qui dérange. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous propose de faire la dernière partie, et ça va étonner beaucoup de monde, mais on va parler un peu d'Adolf Hitler. Alors, mon sujet préféré. Et en plus, c'est une question un peu historique, donc Ludwig, donc je pense que ça va t'intéresser, et je sais que, on va dire Ludwig principalement, et Rex peut-être aussi, vont être les deux référents. Bon, on va essayer aussi d'avoir une réponse un peu collégiale. C'est Olivier qui nous pose une question sur Telegram. Hitler serait-il un agent du grand capital? En fait, il y a beaucoup de questions dans sa question, donc on va essayer de répondre à tout. On ne promet rien, Olivier, mais je me lance. Donc il nous dit... Parmi les reproches faits au national-socialisme et à Hitler, il existe une théorie, issue sans doute des milieux communistes, selon laquelle le fascisme n'est ni plus ni moins que l'outil du grand capital et de la bourgeoisie contre le prolétariat, allemand et italien notamment, et que la création du Front du Travail allemand ne visait qu'à mettre au pas les travailleurs nationaux. Qu'en est-il véritablement selon vous? Quels étaient les rapports des nazis avec la bourgeoisie capitaliste allemande? Qui dominait dans cette relation? Si vous avez déjà abordé cette question dans une précédente émission, pouvez-vous me l'indiquer? Vous avez vu, il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre à pas mal de choses. Et sur la toute dernière question, on a fait énormément d'émissions sur le national-socialisme. On ne peut pas te renvoyer à un truc en particulier, Olivier. On a fait beaucoup, on a fait au moins 4 ou 5. Donc, il faudra faire une petite recherche sur Odyssée avec le mot-clé magique Hitler. Et pour le reste, donc, je vais laisser la parole, j'imagine, peut-être à Ludwig, qui a peut-être un mot à dire là-dessus. Alors oui, ben, pour commencer, ben, c'est vrai que... Ben, au début de sa carrière politique, Hitler il a eu quelques soutiens de certains industriels. Ben, bon, un exemple qui me vient plutôt en tête, c'est plutôt ben, il y a l'industriel américain bien connu Henry Ford, qui l'a pas mal soutenu financièrement. Mais bon, lui, quand même, il était. Ça se comprend quelque part, parce que lui aussi, il était quand même assez anti-juif, etc. Mais pour ce qui est ben ouais, du grand capital, la bourgeoisie, c'est un peu caricatural parce que bon, d'un côté, il y a t'as toute la dialectique marxiste qui te dit que ouais, en fait, Hitler c'était un agent des capitalistes finalement, alors qu'en fait, et de l'autre côté, il y a les droitards qui disent en fait, ben, les nationaux-socialistes c'était des socialistes, donc c'était des gauchistes plutôt, donc. Les deux camps, ils entretiennent tout le temps la confusion parce qu'ils ont, une compréhension tellement superficielle et déformée de ce qu'est vraiment le national-socialisme dans son essence. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les droitards vont nous reprocher, c'est que Hitler, certes, il est pour la propriété privée, il est pour l'esprit d'entrepreneuriat, etc. Du moment que ça n'entraîne pas dans un libre marché effréné où les intérêts de la nation sont compromis. Donc c'est pour ça que il y a quand même de l'intervention de l'État dans l'économie. Et puis pour ce qui est ben, du traitement du front, pour ce qui est de la création du front du travail allemand qui devait entre guillemets qu'à mettre au pas les travailleurs. C'est-à-dire que tous les syndicaux qu'il y avait sous la République de Weimar en fait, n'entretenaient que la division et leur soi-disant soutien de la classe ouvrière, alors qu'en fait ils n'ont rien fait pour améliorer leurs conditions de travail. Et quand les nationaux-socialistes sont arrivés avec la création du Front du Travail allemand, déjà le chômage a baissé, les conditions les conditions de travail des ouvriers ont considérablement augmenté, leur niveau de vie, etc. On crée des usines très très modernes, avec des conditions de travail très humaines, très dignes. Ils sont bien rémunérés. Et il y a des emplois du temps très très allégés où il y a le temps de travail qui doit être respecté, mais à côté on peut avoir des temps de récréation, des temps de... D'ailleurs, il y avait même... ce qui était unique, ce Troisième Reich, par exemple, c'est que tu pouvais même avoir des bibliothèques au sein des usines, tu pouvais même avoir des orchestres qui viennent faire des concerts au milieu des usines dans les temps de pause. Ah bah aussi, tu vois, ils avaient des orchestres. Ah bah oui, bah voilà. En plus, des piscines. Donc, penser que Hitler, c'était un âge du capitalisme et qu'il voulait juste... davantage opprimer l'ouvrier allemand, ça ne tient pas la route une seconde, d'autant plus que l'ouvrier allemand était 99% derrière Hitler et les nationaux-socialistes quand ils sont arrivés au pouvoir, et qu'on ne vienne pas me dire que ouais, c'est parce qu'ils ont imposé la terreur, etc. Parce qu'il y avait des plébiscites, il y avait de nombreux plébiscites de nouvelles élections dans les années 33-34 qui ont à l'unanimité... montrer que 90-99% de la population était derrière le gouvernement national-socialiste. Et puis, concernant la relation spécifique entre la bourgeoisie et Hitler, c'était un peu ce que je disais au début, c'est que du moment que les intérêts de tous ces entrepreneurs, de toutes ces entreprises, du moment qu'ils ne compromettent pas les intérêts de la nation et qu'ils se livre à ce libre marché effréné où voilà, finalement c'est que le capital et les intérêts qui comptent, quitte à sacrifier les intérêts de la nation, les socialistes étaient très fermes là-dessus. Donc d'où l'intervention de l'État dans l'économie dans certains domaines. En fait, il faut répondre à cette critique à laquelle on fait souvent face. Donc là, c'est plus sur un sujet typiquement financier et économique. Et donc, ce sont des accusations marxistes assez fidèles à eux-mêmes, puisque dès les années 30, en fait, c'était des choses qui se disaient. Là, il s'avère qu'en 2020, en 2030, des gens vont continuer de le répéter. Ça se nourrit beaucoup de conspirationnisme, mais il s'avère aussi que ce marxisme est un genre de conspirationnisme dans le sens où ils font de la finance et de l'argent, de l'économie, un espèce de dieu satanique. Omnipotent. Donc dès qu'il se passe un mouvement, finalement le responsable c'est ça, ou alors son opposé qui est le super ouvrier messianique merveilleux et fantasmé. Donc je pense eux, ils sont dans une conception du monde où ils ont un peu quitté les chemins de la rationalité, pas totalement hein, mais ils ont un peu quitté les chemins de la rationalité, et donc on doit répondre à ces espèces de critiques très souvent complotistes. Typiquement, les deux autres sources que je connais, ça va être Anthony Sutton et William Guicard, à savoir des gens qui font des bouquins sur les financements national-socialistes, comme si ils avaient des méga références à la clé, alors qu'il y en a limite aucune. Donc, en fait, là, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce mouvement un peu comme Gonzague de Reynolds. Il met « D'où vient l'Allemagne ?» au moment où vous avez une révolution national-socialiste. Ils disent... Voilà, bon, il y a ce qu'il y a là tout de suite, mais aussi, que ce soit là tout de suite, l'entre-deux-guerres allemand, en fait, c'est porteur d'une histoire. Vous avez le monde gréco-romain, vous avez l'Antiquité, vous avez l'espace germanique, donc là, ça les concerne plus directement, les Francs, le baptême de Clovis, le Saint-Empire romain germanique, le royaume des Francs, tout ça les a fait et a laissé des traces de germanité et de christianisme dans ce peuple, qui là arrive à une certaine résurgence. Alors à un titre économique, vous avez une Allemagne exsangue, c'est la merde, comme dit le camarade Ludwig, il a réussi à remettre le travail sur pied, qui était passablement mis à mal au lendemain de la Première Guerre mondiale, la République de Weimar et tout ça. Et en fait, il s'avère que oui, peut-être un certain capitalisme allemand, c'est-à-dire nationalisé, national, qui n'est pas encore franchi. C'est pas la City qui les a financés, voilà, c'est mensonger, c'est pas les Rothschild, ça c'est un complotisme débile qui va utiliser un double complot juif dans le complot juif, faut arrêter. Et donc non, c'est les sources d'argent viennent un peu de partout parce que de toute façon c'est la merde. Dans le bien commun, le financement ça existe, mais enfin, je veux dire, c'est pas toute la partie. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment ce que provoque la politique des nationaux-socialistes, même si ça en fait partie. Et ensuite, à part les grands industriels à la Henry Ford et qui le soutiennent pas du tout pour des raisons enfin, de manipulation d'argent ou de je sais pas quoi, c'est pas Henry Ford qui dirigeait Adolf Hitler non plus, hein, c'est un financement, c'est un appui. Donc, faut sortir un peu de cette logique du tout conspi. Je pense que c'est important et qui est nourri en bonne partie par le marxisme international aussi. Donc finalement, on fait un peu face aux mêmes choses et il faut arriver à répondre à cet angle politique du bien commun contre les délires complots. Malheureusement, pas, c'est, on retombe un petit peu sur ces deux pieds-là. Ouais, je me permets de faire une citation de Tonton à propos de sa vision en fait, exacte de ce qu'est le socialisme. C'est que certes, il se définit comme socialiste, mais donc ouais, en fait, il assume totalement sa position de socialiste tout en ne méprisant pas ben, la propriété privée, l'effort individuel, etc., l'esprit d'entrepreneuriat, etc. Donc, citation de 1938, « Le socialiste est celui qui sert le bien commun sans renoncer à son individualité, à sa personnalité ou au produit de son efficacité personnelle. Le terme socialiste que nous avons adopté n'a rien à voir avec le socialisme marxien. Le marxisme est contre la propriété privée, ce qui n'est pas le cas du véritable socialisme. Le marxiste n'accorde aucune valeur à l'individu, à l'effort individuel ou à l'efficacité. Le véritable socialisme valorise l'individu et l'encourage à l'efficacité individuelle, tout en estimant que ses intérêts en tant qu'individu doivent être en accord avec ceux de la communauté. » Donc voilà, ça c'est peut-être un passage clé qui peut expliquer. Voilà. Donc, tout en estimant que ses intérêts en tant qu'individu doivent être en accord avec ceux de la communauté. Voilà. Et donc, toutes les grandes interventions, découvertes et réalisations ont d'abord été le produit d'un cerveau individuel. On m'accuse d'être contre la propriété, d'être athée. Ces deux accusations sont fausses. Fin de la citation. Voilà. Donc là, je crois que ça éclaire un peu pas mal de la bouche du Führer lui-même. Voilà. Mais Ludwig, je pense que tu es financé par Wall Street. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah voyons, comme dirait. C'est par les Lubavitch. Je rappelle, cette émission est entièrement financée par les Lubavitch. En plus, sur cette histoire d'Henry Ford, je crois que c'était complètement débunké, hein, ce truc-là. C'est même pas qu'il aurait donné un peu, c'était dérisoire. Je pense qu'en fait, d'après ce que j'ai lu dernièrement, hein, c'est en fait, il aurait donné zéro à Henry Ford. Hein. Sur des points de vue politiques, parce qu'il a reçu une médaille national-socialiste, une médaille je sais plus trop quoi, et puis. Ou alors il aurait aidé en plus à la diffusion de Mein Kampf en Allemagne. Je crois que ça s'arrête là. Mais sur les points de vue purement financiers, c'est même pas un dollar. Hein. Donc là, c'est du délire complet. Je voudrais apporter un élément de réponse sur, on va dire, un point de logique pure. C'est pas parce que deux éléments ont au moins un point commun qu'ils sont forcément alliés et qui sont semblables. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle voyait pas forcément en Hitler les moyens de se refaire. En tout cas, elle voyait surtout en Hitler les moyens de résister aux communistes qui avançaient. Donc là, maintenant, on se dit, c'est facile en 2025 de se dire, bah, le communisme allait s'effondrer, etc. À l'époque, tout le monde avait peur du communisme et se disait, mais c'est en train de venir chez nous, ça va ravager l'Europe. Donc les bourgeois, forcément, ils avaient peur. Et donc ils voyaient en Hitler un moyen de contenir cette avancée communiste, donc, plutôt que de voir une alliance, une vraie alliance politique. Et malheureusement, dans nos milieux, il y a un peu cette fausse logique qui consiste à dire à chaque fois à qui profite le crime, et avec cette maxime-là, on va tout découvrir. Ça, c'est une fausse réflexion. Soral, il fait beaucoup ça, c'est une grave erreur. Soral, il fait pas gaffe le matin, et puis il marche sur un bout de plastique. Il va dire, ah, mais à qui profite le crime? Ça fait mal aux pieds. Ça profite à l'industrie pharmaceutique, parce qu'il faut que je mette un pansement. Donc c'est Pfizer, en fait, qui m'a mis ce bout de plastique par terre. Vous voyez, c'est délirant comme truc. Donc il faut y aller mollo sur le complotisme, il faut y aller mollo sur le à qui profite le crime, parce qu'avec ça, moi, je vous justifie tout et n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Et puis tous ces marxistes débilos complotistes, là, ils font souvent omission de qui a financé la Révolution russe en 1917. Hein. Ils font totalement omission. Là, ils ont bien financé tout ce qui est le grand capital, etc. Contrairement à ce que veut nous faire croire. Et puis aussi, pendant la guerre, qui a financé Staline dans la guerre contre Hitler, hein, tous les approvisionnements militaires, etc., qui arrivaient dans le port de Mourmansk, au nord-ouest de la Russie, ça venait de quelque part, et c'était pas... c'était des Américains et des Anglais. Hein. Donc voilà, qui finançait vraiment qui dans l'histoire qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle... chez nous, BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui, ça qui sont qui ces gens qui, bon. Qui bah, Sutton, il va accuser certaines banques. Donc, ça se situe plus en plus aux États-Unis. Genre, il va chercher là-bas avec Ford, JP Morgan, ou des banques qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont, je dirais pas de seconde main, mais enfin, c'est presque la 10e place, quoi. Mais en fait, il n'y a pas d'archives sérieuses, c'est de la seconde main et tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire à ces trucs. Il faut vérifier rigoureusement les choses. Et pour ça, vous avez par exemple David Irving, qui a été un courageux réviso sur... je pense qu'il a pu traiter un peu de ces sujets-là aussi, il y a des chances. Ça lui ressemblerait. Donc bon, un peu à trouver dans notre sphère qui a pu répondre. Ah oui, bah, j'ai un ouvrage, c'est... vous savez, le pseudonyme Didi 18, là. Il y a un livre qui s'appelle justement L'accession au pouvoir d'Hitler, financé par l'argent juif, de point mytho réalité. Alors, ça se concentre peut-être plus sur 1933, ou un peu avant, mais voilà, là, vous avez déjà des éléments de réponse pour dire à quel point c'est faux et complètement lunaire. Une partie de la communauté juive aurait financé son propre suicide parce qu'il rechercherait. Pour Moloch, des cadavres de juifs pour reprovoquer la fin des temps. Enfin bon, on part un petit peu dans les décors avec les extraterrestres, là on n'est pas loin. Donc un peu plus sérieusement, le financement du Parti National Socialiste, comment il s'est fait en majorité, c'est principalement la cotisation des membres. Donc voilà, au moins c'était véritablement populiste, on plaisait aux gens et on le prouvait par... un soutien humain, physique, mais militant et également financier. Quoi. Donc, ouais, et ça marchait, et ça tournait comme ça. Beaucoup de soldats SA étaient nourris, logés, blanchis. Et en fait, ils donnaient toutes leurs soldes par idéal politique, au parti, parce qu'en fait, ils vivaient, ils avaient le reste, en fait. Donc, ça faisait un peu d'argent quand même. Ouais. Oui, et puis, contrairement à ce qu'on nous dit trop souvent... le terme socialiste que les nations socialistes ont adopté, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas quelque chose juste pour comme décor, pour attirer les masses, etc., pour duper les masses dans le même genre où si on dit que la Corée du Nord, c'est une république démocratique de Corée, c'est-à-dire que c'est vraiment démocratique. Bah, dans ce cas-là, c'est en fait les nations socialistes avaient vraiment un idéal socialiste dans le sens où il voulait vraiment implanter le véritable socialisme loin de ces utopies marxistes de lutte des classes, d'égalitarisme et d'internationalisme. C'était justement ça le but. C'était de dégager ces idées nauséabondes du terme de socialisme. Bah, ces mots-là, en plus, ils n'ont pas tout à fait les mêmes significations. Même Monseigneur Tizot, il dira finalement, ça étonnera personne si je dis que la doctrine sociale de l'Église et ce qu'ont fait les fascistes, je pense qu'il parlait en particulier de l'Allemagne, bon ça marche pour l'Allemagne ou l'Italie, finalement c'est un peu la doctrine sociale de l'Église qu'ils ont appliquée, mais traduit en politique et portée par des laïcs, quoi. Mais concrètement, en termes de philosophie politique, voilà, c'était un peu la même chose avec... peut-être des éléments modernes ou autres ou quoi, mais ça concourait au bien commun, contre voilà, cette éternelle fascination morbide pour le mal, et des conspies, hein, j'entends. Et ce terme socialisme est aussi celui de révolution. Je pense que les Français se font des films là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup la conception de « ah bah la Révolution française », donc on assimile ça un petit peu, le terme même est assimilé à une espèce de subversion, à quelque chose de mauvais, là où chez les Allemands, le terme révolution n'a pas du tout cette connotation, elle a presque la connotation inverse, puisque c'est justement pour s'opposer aux illuminés, à l'influence française révolutionnaire et franc-maçonnique, que eux souhaitent une révolution dans l'entre-deux-guerres allemand. Et donc il y a une incompréhension franco-allemande un peu là-dessus, où voilà, révolution, en plus, si tu viens à la source du mot latin, revolvere, retourner, bon, même là, la source linguistique, elle va pas trancher forcément en disant quand tu veux une révolution, c'est que tu veux un ordre satanique, ça n'a rien à voir, même si les catholiques français se font beaucoup ce film-là. Ça, c'est un processus révolutionnaire, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Si c'est en vue du bien commun, il y a rien à ce que ça s'oppose à Dieu. Et encore une fois, sur le financement, ce qu'il faut dire, c'est soutien populaire massif, premier point. Et deuxième point, opposition objective, radicale aux élites financières internationales, si bien qu'ils en ont payé le prix. Et que si l'Allemagne s'en est sortie, c'est parce qu'elle s'est basée sur ses seules forces nationales, qu'elle a réactivé le travail allemand, qu'elle a mis ça à fond au devant de la scène. Et c'est une nation impériale qui a tenu, je veux dire, socialement, uniquement grâce à ça, grâce à ce socle, quoi. Donc oui, les trucs Henri de Lesquin, je sais pas quoi. Deuxième exemple, Hitler. On peut faire un parallèle entre Hitler et Napoléon, c'est assez, assez prodigieux. Ils ont conquis l'Europe, ils ont été battus sur le front russe. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que l'histoire n'est pas écrite de la même manière dans les deux cas. Elle est écrite par les vaincus pour Napoléon, elle est écrite par les vainqueurs pour Hitler. Mais il est extraordinaire qu'une partie des gens d'extrême droite soit fascinée par Hitler, qui était un ennemi de la France, et qui était un révolutionnaire, un homme de gauche, profondément de gauche, pas du tout traditionnel. Il se réclamait des Ariens, des Arias, mais il disait qu'ils n'existaient pas encore, mais qu'on les fabriquerait. Donc il n'y a pas lieu de se réclamer de Hitler quand on est à droite, puisque Hitler était un homme de gauche. Et révolutionnaire, profondément révolutionnaire. Oui, c'est socialiste, donc de gauche. Moi, je suis un homme de droite pure parce que je suis dans mes tours libérales, je sais pas quoi, en revendiquant, je veux dire, des principes de fossiles, quoi. Mais qui se dit libéral national ? Faut arrêter avec ça. Voilà, véritable socialisme, rien à voir avec les autres courants dont on peut parler. Oui, c'est pas comme si on peut. C'est pour revenir sur de Lesquin où il le dit que le national-socialisme est un redressement du socialisme. Il faut arrêter avec cette opposition au gauche-droite, c'est tellement stupide. C'est encore une fois, c'est une forme de division qui ne sert à rien. On peut très bien avoir un mouvement nationaliste qui s'occupe aussi des affaires sociales. On souhaite que notre population ne soit pas misérable comme sous le communisme. On a tout à fait le droit. Ces gens-là sont complètement dépassés. Et en plus, pour en parler aussi du national et libéral, c'est vrai que le libéralisme s'est très bien passé. Hein. Ça fonctionne très très bien. Hein. C'est génial. L'ultralibéralisme, c'est super. Ça va être difficile d'appliquer la doctrine sociale de l'Église si on ne fait pas un peu de social. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est que ça va être compliqué comme concept. Hein. Faudra m'expliquer. Mais tu sais, Rex, hein, les personnes qui butent un peu sur ce terme, par exemple, de révolution, là, qui font une fixette, c'est souvent des monarchistes. Pour eux, révolution, non, c'est forcément révolution française dans ce contexte-là. Mais exactement. Ces gens-là sont des monarchistes, donc ils veulent un retour du roi. Ben, je veux dire, messieurs monarchistes, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un retour du roi ? En fait, vous voulez une révolution. C'est ça exactement. C'est que par rapport à ce système, en fait, on est quoi ? On n'est pas des conservateurs, parce que si on est conservateur avec ce système, c'est-à-dire qu'on veut conserver public, c'est-à-dire qu'on veut conserver les droits de l'homme, etc. Non. Que ce soit les monarchistes ou que ce soit nous, en national-socialistes. On est des révolutionnaires. On veut rien de ce système. On veut que ce système s'écroule et qu'on veut quelque chose de nouveau, quoi. Nous ne sommes pas des conservateurs. Nous ne sommes pas des réactionnaires. Nous voulons un changement de régime radical. Nous sommes des révolutionnaires. Voilà. C'est les mêmes qui font, toujours les monarchistes, les Royco qui butent comme ça, qui font une fixette sur le mot nation. Ah non, la nation, non, c'est les nationalistes, alors que nous sommes monarchistes, le roi, poète, machin. Alors que le mot nation, il est présent dans la Bible, je sais pas combien de fois, en termes d'un positif, ou dans des termes neutres dans les politiques françaises, bien avant la Troisième République. Faut arrêter de délire, quoi. Ou ceux qui méprisent la question raciale, dire ah, mais non, mais. La doctrine catholique condamne le racisme, etc. Non, ce qu'elle condamne, c'est l'idolâtrie de la race. Mais le pape Pie XI l'a très bien rappelé dans Mit Brennender Sorge, la fameuse encyclique qui soi-disant condamne le socialisme, alors qu'en fait pas du tout, c'est que la race, etc., ce sont des choses qui tiennent une place nécessaire et honorable. Donc il admet tout à fait l'existence des races et qu'ils doivent tenir une place nécessaire et honorable. C'est comme l'opposition au nationalisme, en fait, ça va être si c'est un nationalisme païen, si c'est un amour désordonné, l'Église est contre. Mais par contre, elle fait l'éloge par ailleurs de l'amour national, et elle le rappelle notamment dans sa condamnation de l'Action française par le pape Pie XI. Il s'agit de rejeter hein, des doctrines comme le positivisme ou l'agnosticisme de Maurras, je sais pas, des choses comme ça, mais pas à aucun moment l'amour national, en fait. Donc voilà, je fantasme sur le roi pour me donner un style, hein, comme dirait la chanson. Mais voilà, pour répondre même encore à Henri de Lesquin, la droite, la vraie droite, n'a pas attendu pour professer un social. La justice sociale est une expression catholique, avant qu'elle soit récupérée dans un sens gauchiste. Les catholiques sociaux et Léon XIII employaient un peu ces termes-là, ils ont été développés, en fait, parce que dans l'Église, on parle de la justice. Après, il y a les sous-branches, justice distributive ou justice que sais-je, dont la justice sociale. Et justement, la justice sociale est un peu un volet populiste, entre guillemets, où vous donnez une place au peuple et à chaque individu, compris dans le tout. Donc évidemment, ça ne va pas nier les droits de Dieu, la puissance de l'État, la primauté de l'État, ou des choses comme ça, mais on fait attention un peu plus de... Voilà, la vie quotidienne de l'individu, l'améliorer, à quoi elle ressemble et tout ça. Donc ça s'appelle la justice sociale chrétienne. Et la Tour du Pin, d'ailleurs, il a un discours comme ça, où il oppose un peu celle chrétienne avec celle païenne. Par païenne, il entend la République laïciste et ses lois. Voilà. Donc, je veux dire, ces clivages-là, comme a dit Longinus, il y a certains sujets où c'est hors clivage. Arrêtez de mettre droite ou gauche. Par exemple, l'écologie au XIXe siècle, les progressistes de gauche, ils se disent à l'avant-garde de la science et tout ça, donc ils soutiennent ça à 301%. La gauche d'aujourd'hui, c'est l'inverse. La droite de l'époque, elle veut conserver les arbres, entre guillemets. On est conservateur, on conserve tout. Et là, aujourd'hui, c'est la gauche qui est dans le mythe du bon sauvage, du retour à la nature, les centrales nucléaires de Trump, c'est pas bien, etc. Donc, ces choses-là, c'est des frontières poreuses. Ah ouais, tu fais bien de rebondir sur l'écologie, parce que, ouais, effectivement, quand on examine les origines de l'écologie... notamment en Allemagne, bah, c'est issu des milieux nationalistes, très racialistes, etc. Et pas du tout. Ça fait partie. En fait, c'est ouais, tu penses à l'homme et l'environnement, et les deux, comment l'allier au mieux. Et dans l'homme, bah, y a la race, il y a l'éducation, il y a le truc, et donc forcément, ces nationaux-socialistes l'ont pensé. Et même en France, comme je disais, au XIXe siècle, vous allez plutôt avoir des références. D'extrême droite, on dirait aujourd'hui. Ouais, ouais, pour revenir à ces termes droite-gauche, finalement, ça n'a plus vraiment de sens. Enfin, en tant que national-socialiste, ça n'a pas vraiment de sens, tous ces termes, parce que nous, en fait, on veut vraiment incarner la troisième voie, pas se cliver dans cette dialectique marxiste de lutte des classes, de dictature du prolétariat, etc. Et pas non plus dans la dialectique libérale, voilà, le capital avant tout, le profit avant tout, au mépris de la nation. C'est vraiment une troisième voie qu'on veut incarner, que voilà, avec l'élément national et l'élément social, qui vont inévitablement ensemble. Et puis quelque part, si on cautionne implicitement ces termes droite-gauche et qu'on les emploie à tout va, implicitement, on les cautionne et... parce qu'ils sont nés de la Révolution française, en fait, ces termes. Quelque part, on cautionne toutes ces dialectiques nées de la Révolution. Et donc, implicitement, on cautionne la Révolution française en restant dans cette dialectique, quoi, finalement. Donc, il est question un peu de s'émanciper de toute cette dialectique qui nous a bien pourri. C'est ça, et sachant que le fascisme, tel qu'il est présenté, en fait, il n'y a pas d'opposition gauche-droite. Le national et le social travaillent main dans la main. C'est une politique harmonieuse de gestion du pays, de gestion du peuple, pour que le peuple retrouve son âme, défende son âme, sa race, et obéissent aux lois de Dieu. Contrairement à tout ce qui nous est dit, il n'y a aucune opposition entre national-socialisme et l'Église catholique. Peu importe ce qu'on peut nous balancer, à chaque fois on l'a démonté, on l'a bien prouvé à chaque fois que l'Église catholique n'a pas condamné le national-socialisme, et que le national-socialisme, au contraire, a permis au catholicisme d'exploser en Allemagne, littéralement, et de dépasser même le protestantisme. En fait, je vais donner d'autres éléments donc, pour répondre aux camarades hein, qui nous posent la question, parce que l'aspect financier... fallait quand même retaper un coup dedans. En fait, c'est la République de Weimar qui est soumise à la finance internationale, principalement américaine. Vous avez des plans Dewave et Young, donc en 1924 et en 1929. Ce qui fait que, en réaction à cela, Hitler, qu'est-ce qu'il dénonce dans ses années 20, c'est la monnaie dette. Mussolini a fait pareil quelques années avant et il a continué. Bon. Et en fait, il était carrément clair dans son discours, et quand il accède au pouvoir, ses intentions prouvent ce rejet-là de finances internationales américaines sous la République de Weimar, puisque même quelqu'un comme Max Warburg, un banquier juif influent, il a été rapidement écarté de la Reichsbank et de sa propre banque aussi, Warburg & Co. machin, qui a été en 1938 entre guillemets arianisé, c'est-à-dire le régime voilà, se l'est adopté. Elle a fait un rite de désenjuification, ou je sais pas quoi, un peu comme... C'est-à-dire qu'ils ont enlevé de l'argent de la banque, c'est ça? Ouais, c'est du coup comme ça, c'est du coup, les sont déjudaïsé. C'est comme les rites homosexuels là, devant l'Arc de Triomphe. Enfin bon, quand il y a des chapelets qui souillent des célébrations transsexuelles, faut faire des rites maintenant. Donc bon, il y a des rites mayas aussi. Merci beaucoup, Olivier, pour ta question qui a été posée sur Telegram. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Ce n'est pas toujours possible selon les disponibilités des uns des autres, mais on fera au mieux. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette émission. On a traité un petit peu de tout, hein, vous avez vu. On fait un peu une émission d'actualité et en même temps d'histoire, comme à notre habitude. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à faire... Sollicitez tous, bien sûr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas surtout à le partager partout où vous pouvez. YouTube, Facebook, Instagram, Pigeon Voyageur, ce que vous voulez. Allez-y à fond, Twitter. Voilà. Allez-y. On comptera énormément sur vous pour populariser ce podcast. Quant à moi, je vous dis au mois prochain. Et ma patrie, pour eux je donnerai ma vie. les soupirs.